J'aurais pu faire un crochet de l'autre côté, tu vois. Bah, t'habites pas loin, toi? Je suis de l'autre côté du sud. Ah ouais. Je suis vers Marseille, moi. Ah, si t'es un peu loin, du coup. Bah, après, en vrai, on passe pas loin. Hein. On descend jusque Lyon et puis après, on reprend la 9. Donc, on n'est pas si loin que ça, quoi. Oh, la 9, l'autoroute qui vaut la peau du cul. Ouais. Mais au moins, en la prenant de nuit, t'évites les embouteillages. C'est vrai. Mais t'as le même tarif. Ça change pas. Oui, tu payes pas moins cher. C'est ce que l'autoroute du soleil. Ouais, tu voilà. Parles, ouais. L'autoroute de l'arnaque. L'autoroute du soleil. C'est l'autoroute de l'escroquerie. Non, ça s'appelle l'autoroute du racket. C'est l'autoroute de ton argent fond au soleil. Ah, c'est vraiment c'est ça. Ça ouais. C'est la seule autoroute qui tu fais le tour, c'est le prix de ton pass annuel de DLP Gold. C'est notre point de repère. Ouais, c'est ça. Ça me gratte. Vite, Laurent s'endort. Faut se dépêcher. Laurent, vite. Il nous reste 5 minutes. T'imagines ? Oui, c'est ça. Si on entend des ronflements, le problème, c'est que j'ai réussi une fois à les réduire, mais là, ronfle pas comme un cochon si tu t'endors, Laurent. Au pire, tu peux le mute, non ? Si jamais il commence à ronfler. Ouais, je peux le mute. Ouais, au pire, je le mute. Au pire, j'appelle Priscille qui lui met une baffe. Bam ! Allez. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Marvelicious, un épisode spécial, le dernier de la trilogie que nous faisons à chaque fois sur les séries de Marvel sur l'invasion secrète. Voilà, l'invasion secrète des Skrulls avec toujours nos bien-aimés, on va dire co-animateurs, ou je sais pas si on peut dire ça, ou participants, ou invités, enfin, je sais même pas en fait, donc tout le monde vient qui veut. On va commencer par l'un des plus beaux. C'est l'un parce qu'ils sont tous beaux. L'un des plus beaux, il est belge. Il a une voix sensuelle. Bonjour, Tony. Bonjour. Oh. J'ai essayé. Même pas j'ai d'ASMR. Non. Non, je sais pas ça. Moi. Pas d'ASMR. Bonjour. Pas d'ASMR. Merci de m'avoir invité. Ça va ? Ça va, oui, ça va. Bah, tout le monde vient qui veut, en fait. C'est bien. Donc, si tu veux venir, tu viens. Ça se trouve, tu seras au prochain. Voilà. Oui, peut-être. Tu seras au prochain, parce que le prochain, c'est le podcast sur... le Mandoverse. Donc, du coup, ah, tu oui, seras oui, dessus bien vite. Ouais. C'est le prochain. C'est bien. En plus, il se complétera avec le vôtre. Oui. C'est vrai qu'on va bien parler dessus. Ouais. J'ai fini d'écouter le vôtre. Et je suis accompagné aussi du beau. Oh. C'est l'homme qui plaît aux femmes. Voilà. Quand on le voit sur YouTube, je le désigne et je l'appelle Olivier. Bonjour, Olivier. Bonjour. Oh là. Oh, on va faire. je sais pas si j'en saurais le refaire. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Alors, t'as bien de l'épisode 6, toi. Hein. Donc là, oui. T'es chaud patate là. Bah, je suis chaud patate. Ouais. T'es chaud patate. Voilà. Et on a aussi notre beau gosse qui n'a pas pu être là la semaine dernière, mais qui est là parmi nous et qui nous a manqué. Bonjour Laurent. Ah, ben. Et puis bonjour à tout le monde aussi, ça fait plaisir d'être là ce soir avec vous tous. J'ai eu peur que tu dormais. Voilà, il y a une latence de 2 secondes. Voilà. Tu vas bien ? Ouais, très bien. Oh ça, là fait, là. Ça fait plaisir, parce que ça faisait bizarre l'autre fois que tu sois pas là. Donc, ah. Voilà, donc merci beaucoup d'être là. Et enfin, mon frère Siamois du Sud, bonjour, qui est fan de Pastaga, de Ricard. Je sais même pas s'il en boit d'ailleurs. Non. Je vais lui demander. Bonjour Mika. Salut. Tu bois du Ricard en fait ou pas ? Non, j'ai plutôt rhum moi. Ah, le rhum, alors. Est-ce qu'il est arrangé ? Très souvent. Dans une commode ? Voilà. T'as vu Tony ? Arrange. Là, t'as été un sniper là. Là, t'as vu ? Là. On peut et l'autre fois, j'ai. L'autre fois, je vais boire un café et je demande à la serveuse un café allongé. Elle me fait OK, pas de problème. Et je dis, je le boirai quand même assis. Ouais. C'est comme la blague du coiffeur, ça. Ah bon? C'est quoi? Je ne connais pas. Bonjour monsieur, je vous fais un shampoing aux œufs. Non, non, juste la tête, merci. Oh. Ça marche pas pour les chauves en tout cas. J'ai pas ce problème. Moi non plus, j'ai pas ce problème. Voilà. Bon, en tout cas, nous divergeons, les gars. Divergeons, les gars. Voilà. Ouais, divergeons. Donc, on est là pour parler. Il commence bizarrement ce podcast. Oui, un peu. Nous allons parler de l'épisode 6. L'épisode 6 de cette série qui est l'avant-dernière. Ou l'avant-avant-dernière, je ne sais plus. L'avant-dernière, parce qu'après, il y a Loki, je crois. Et après, il y a Echo, je crois. Il y a Echo, il y a War Machine aussi, enfin Armor Wars. Ouais, c'est l'année prochaine, je crois. Mais cette année, je crois que c'est. Ouais, cette année, il y a peut-être Loki et Echo encore. Ouais. Oui, je crois. Et l'année prochaine, je me demande s'il n'y a pas Daredevil aussi. Bref, c'est l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière, parce qu'on n'est pas à l'abri qui nous décale les séries. Bon, comme ils font pour le... Non, c'est pas leur genre. Voilà, nous allons terminer avec cet épisode où on va parler de l'épisode 6. Donc, notamment, on va faire une petite rétrospective. Oui, c'est ça. Oula, c'est tard, j'arrive plus à parler. Bref, on va parler de cet épisode et on va parler un petit peu de manière générale ce qu'on a apprécié de la série et peut-être théoriser aussi sur l'avenir de la série, puisque même si, il y a une fin quand même à cette série-là. J'ai pas vu de scène post-générique, je sais pas vous. Il n'y en a pas. Ah, il n'y en avait pas, ouais, ok. Non. Je disais aussi. En tout cas, ça nous permettra de théoriser un petit peu sur le devenir du MCU suite à cette série. Voilà. Je vais commencer par mon petit Olivier qui adore cette série, puisque tu répétais que tu adorais cette série. D'ailleurs, tu disais que c'était l'une des meilleures, voire la meilleure. Moi, je pense que c'est celle que je préfère, oui. Voilà. Malgré la déception du dernier épisode, dans sa globalité, je la trouve très bonne. Justement, on va en venir à ce dernier épisode. Comme tu dis, tu as été déçu. D'autres, je pense, ici ne sont pas forcément déçus. Je pense à certains qui diront en fait, c'est la continuité de la série. Alors, dis-moi en quoi cet épisode t'a déçu, Olivier ? Je m'attendais à un combat plus impressionnant, plus dantesque, avec plusieurs protagonistes, en fait, pas que Gaïa, en fait. Je m'attendais à quelque chose de très spectaculaire. Le combat final l'est quand même, mais j'ai pas du tout aimé le design du combat, comment il montre les pouvoirs de chacun. On avait compris qu'ils avaient les pouvoirs de tous les Avengers. Quand on voit Gaïa avec le bras de Drax, par exemple, au début, j'ai trouvé ça ridicule. Enfin, c'est ce que ça m'a fait sortir du truc tout de suite. Et puis c'est là qu'on voit que les effets spéciaux sont perfectibles. Donc ce combat est raté. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup déçu. D'accord. Et ça a été un peu expéditif. Ouais. Je pense qu'il y en a qui sont de ton avis. Hein. Ouais. Et il n'y a pas que le bras de Drax, je crois qu'il a le bras aussi de le pote de Thor. Ouais, de Hulk à un moment. De Hulk, ouais, quand il lui met une patate. Ouais, de Groot aussi à un moment. Oh, t'as même Thanos, t'as de tout là-dedans. Il y a tout, ils y sont tous. De toute façon, il y a un autre problème, c'est qu'elle est pour moi, elle est plus puissante que Captain Marvel, du coup, maintenant. Ah ben oui, largement. C'est techniquement maintenant le personnage le plus puissant du DCU. Ouais, donc je sais pas, que ça veut dire qu'on va avoir Emilia Clarke dans les prochains Avengers ou pas, enfin je sais pas. Bah, le truc, c'est qu'elle devient le Super Skrull. Mais le truc, c'est que normalement il a les pouvoirs, mais un peu moins puissants, quoi. Sauf qu'ici ça a pas l'air d'être vraiment moins puissant que les Avengers, donc non. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas où ils veulent aller avec ce personnage, en fait, parce que clairement elle doit avoir une place hyper importante maintenant dans le MCU, quoi. Ouais, après on verra. Ouais, Tony, alors cet épisode là final, Bah écoute, honnêtement, la série pour moi avait pas trop bien démarré. J'étais un peu sur ma faim, puis je me suis retrouvé vers le milieu de la saison. Je lui dis, ah, pas mal en fait. Et puis hyper déçu là du dernier épisode. Enfin, tu vois, ça te fait monter la pression. T'as, dans le dernier épisode, enfin dans l'avant-dernier, du coup, tu sens que va y avoir de la bagarre. Et puis en fait, voilà quoi. Alors oui, c'est cool. Le petit retournement de situation en mode, hey, en fait, c'est pas Fury. Ben ouais, on s'en doutait un peu. Mais bon, c'est quand même agréable à voir parce que tu te poses quand même un peu la question, est-ce qu'il va survivre ou quoi? Et puis bon, en fin de compte, tu te rends compte, c'est pas lui. Même si tu t'en doutes un peu, bah, ça reste sympa. Mais ouais, c'est tout, quoi. Enfin, y a pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Je me dis, bon, ok, le combat est fini. Ils ont réussi à avoir. J'ai oublié son nom. Enfin, du coup, le méchant. Gravik. Ok, ouais, Gravik, voilà. Je voulais dire Krennic, mais c'est l'autre acteur qui a joué dans Star Wars, désolé. Mais du coup, ouais, voilà, je me dis, bon, peut-être qu'après, il va y avoir un peu un truc qui va se construire. On va peut-être enfin aller sur ses bords. Et puis, en fait, non, même pas, quoi. Donc, ouais. Déçu, vraiment déçu de cette fin. Et ouais, je crois que c'est Minka qui a lancé hier le premier tout ça pour ça, mais clairement quoi. C'était c'est oui, vraiment c'est parce que pour ceux qui nous écoutent, c'est parce oui, qu'on c'est a vrai. on a un canal en fait, on en parle ensemble, et il y a Minka qui a mis tout ça pour ça, et du coup on savait pas trop comment le prendre pour ceux qui l'ont pas vu. Ouais, voilà. Voilà. Maintenant qu'on l'a vu. C'est ça. Laurent, alors toi, t'es pas venu la dernière fois, t'étais venu pour le premier épisode qu'on avait fait le résumé, mais dis-moi, comment t'as apprécié cette série-là, puisque ça peut être intéressant, puisque t'as pas pu dialoguer avec nous à ce niveau-là pour les épisodes 2 à 5, et comment t'as apprécié ce sixième épisode, le dernier? Bah, je suis un peu de l'avis de Tony. Au début, j'ai eu du mal à accrocher, peut-être parce que c'était long à démarrer. Après, vers le milieu, j'ai vraiment trouvé l'intérêt. Le scénar était, j'ai accroché, ça m'a vraiment plu. Jusque, au final, là où le dernier épisode, il y a plein de choses qui me gênent. Mais bon, c'est dû essentiellement au budget, je pense. Voilà, quand on voit l'escorte du président, je suis désolé. Mm-hmm. Quand tu vois l'escorte du président américain, c'est pas 5 véhicules, quoi. C'est pas que c'est même bon, pas. Quand même, il y a quand même il y a une Jeep avec des lance missiles, quand même. C'est pas crédible. C'est pas la réalité, c'est pas crédible. Il aurait fallu au moins une vingtaine de véhicules minimum, quoi. Mais après, ouais. Peut-être que ça aurait donné trop de force. Donc, je sais pas. Enfin, bref, ils auraient eu trop de moyens de se défendre. Peut-être que dans le scénar, il fallait qu'ils soient en difficulté et qu'ils aient moins de monde, mais c'est pas crédible, quoi. Bah, tout simplement. Et voilà, quoi. Donc, ok. Mais et toi, du coup, Mika? Oui. Oui. Oui. Non, oui, Laurent. Le combat de la fin, c'est pareil, quoi. Les effets spéciaux, bof, quoi. Mais bon, ils sont claqués au sol. Je retiens que l'idée, elle reste pas mal quand même, mais c'est les effets spéciaux, quoi. Pas terrible. Mm-hmm. Mika? Ah, je vais rester sur mon mot à l'origine, hein. Tout ça pour ça. franchement, c'est bon, moi, j'ai fait quitter le podcast, tout ça pour ça. Tu sautes toute la série, ça ne changera rien à la continuité. C'est comme Hawkeye. Il a quitté Saber, il est retourné sur Saber. Bah non, parce qu'Hawkeye au moins te présente un nouveau perso. Bah, ici aussi, t'as Gaïa, quoi. Mais, au final, ça introduit Gaïa à part ça. Parce que Hawkeye, j'ai bien aimé aussi. Hein. C'est une série que j'aimais, mais le final, c'est un peu pareil. Tu te dis tout ça pour ça, quoi. Ça a servi à rien. Ouais, mais je suis pas d'accord. Je me suis fait chier dans quasiment toute la série au final, là. Ouais, t'as pas aimé, toi. Ouais. J'ai vraiment pas trop kiffé. Il y a eu quelques passages sympas. Mais pourtant, comme disait Olivier dans le précédent podcast, c'est qu'ils avaient un sacré budget quand même, parce qu'on n'était pas loin de 300 millions, ça va, à mon souvenir. C'est un peu qui était l'équivalent de Vendavision, ouais, à peu près. Ils ont eu le même budget pour les autres séries, mais tu te demandes où il est parti, hein, parce que dans la peinture verte pour peindre les Skrulls, quoi. Mais faut avouer que les Skrulls sont pas mal faits. Les Skrulls sont bien faits, ouais, mais. Le seul truc, c'est que moi, franchement, j'ai vraiment cette impression de ça apporte pas grand chose. La plupart des Skrulls, tu vois à l'avance qui c'est dès le premier épisode pour Roth. Je vous avais dit, je sens que c'est un Skrull. Bah, gagner. À la fin, quand tu vois Fury en difficulté, en train de s'étouffer, machin et compagnie, dès le moment où il arrive, j'étais persuadé que c'était Gaïa et que c'était pas lui. Ouais, clairement. C'était gros comme une maison, ça. Choqué. Oui, bah oui. J'avais vu direct. Et en plus, je sais pas si c'est fait exprès, mais en fait, je trouve qu'il jouait mal. Vous l'avez vu en VO ou en français ? Français, j'ai regardé en français. En français ? Ok. Ouais. J'ai juste mis ce passage-là en VO ce matin, parce que je l'ai vu en français là, hier. Et en fait, c'était. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais je trouvais ça mal joué. C'était trop cliché. En fait, il arrive, il touche. Enfin, Nick Fury, il serait pas venu comme ça. Bah oui, c'est dans ça, une en fait. Zone. Non, de toute façon, ouais, tu il arrive non préparé, machin. Tu crois pas du tout. Et Fury, quoi. Non. Et puis, comme par hasard, tu vois, il essaye pas de sortir de la machine où il est, quoi. Il reste bien assis en plein, bien au milieu, tu vois. Donc, tu te dis. C'est ça, moi, j'ai pensé aussi. Dès qu'ils arrivent, ils sont dans le truc de transformation, tu te dis, bon, bah voilà, c'est Gaïa. Ou, alors, s'il se la joue un peu cool. Ou sa femme. Moi, j'ai dans ma tête, je dis, c'était sa femme, ça se trouve. Mais. Ah, ouais. Moi, ouais. Ouais. Mais bon, franchement, ouais, donc, t'es extrêmement blessé. Ouais. Oui, en tout cas, on a cette. En fait, t'avais l'impression qu'en regardant le début, du moins de l'épisode, en fait, limite, j'ai préféré vers la fin de l'épisode que le début. C'est de l'évidence maintenant. Tu t'étais plus surpris alors que l'épisode précédent, tu dis ah, c'est un scroll, est-ce que c'est pas un scroll? Tu vois, tu réfléchissais un minima, alors, tu voyais direct que c'était pas Nick Fury. Du coup, maintenant, on peut supposer que c'est elle qui l'appelait à la fin de l'épisode 5. Quand il appelle, il dit c'est bon, on y va. Ouais, bah oui. Ça doit être elle. Et on voit bien, comme vous avez dit, que bah, les effets spéciaux, ils sont claqués au sol, quoi. C'est pas les effets spéciaux. Enfin, à un moment, elle prend pas la forme, mais la puissance de Captain Marvel. Putain, c'est tellement mal fait. Il y a des plans qui sont très réussis, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment catastrophiques. Ouais. C'est un mélange des deux, en fait. Comme s'il y a eu plusieurs équipes, tu vois. Ouais, c'est certainement le cas, quand on sait comment c'est produit au niveau des effets spéciaux. Sur ces séries-là. Ouais. La série a dû coûter cher, parce que d'après ce que j'ai compris, ils ont vraiment tourné en Russie au début. Où les scènes extérieures sont vraiment tournées là-bas. Oui, alors par contre, on parle de ça quand même. Ils sont dans la chambre du président et puis. Et regardez, les Russes sont en train de se masser à la frontière ukrainienne. Chaud quand même. Ah oui. Ouais. Ah, bah, oui. Oui. J'ai vu ça, je me dis, ah, ils ont même pas modifié, ou tu sais, ils auraient dit c'était pas la frontière ukrainienne, mais c'était autre chose, ça passait, tu vois. Puis là, quand même. Ouais. Bon. Quand même, ouais. Tu vois, bon, tu après, te oui, des outils comme ça, ils n'envoient pas les Avengers, ils n'envoient pas. T'as pas un pet de héros qui. Mais c'est ça, en fait, tu vois, il y a des radiations, mais t'envoies Hulk, en fait. Il n'y aura pas de souci. Il va tout dégommer, ça va passer, quoi. Bah, c'est pareil dans Hawkeye, c'est pareil dans tout, quoi. C'est vrai, oui. Oui, mais tu vois, Hawkeye, à la limite, il essaye de se le faire en mode. Enfin, c'est pas une menace mondiale, tu vois. C'est un truc sur lui, sa famille, machin. Ici, les Skrulls qui sont infiltrés partout dans les gouvernements, c'est une menace qui est énorme. Là, ça justifierait d'aller chercher les Avengers, tu vois. Ouais, mais c'est comme je le disais l'autre fois, Captain Marvel dans le dernier Avenger, elle arrive, j'étais occupé. Oui, c'est ça, oui. T'attends que tout le monde soit mort pour venir. Être un vaisseau en traversant. Ah, j'ai pas eu le mémo. Non, mais c'est obligé qu'il y ait ce genre de problématique, sinon ils font plus d'histoire, quoi. Parce que oui, c'est ça. C'est mais les Avengers arrivent et puis c'est fini, quoi. C'est en 3 minutes. Mais même le combat, même mis à part les effets spéciaux, le combat il est naze. Enfin, il est naze. Pas... Oui, il est pas terrible. Le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, quoi. Enfin, c'est ça. Puis comme je disais, moi, le truc que je vous ai envoyé de Free Guy... Ouais, c'est t'as fait penser tout à ça. Ouais, c'est exactement ça. J'ai pensé à ça et j'ai trouvé que Free Guy était plus réussi au niveau du combat avec les pouvoirs que ça, finalement. Oui, tu vois, c'était sur l'humour, en plus. Donc, en plus, c'était très drôle. Mais c'est un peu comme... pourtant, j'aime beaucoup ces films, mais le combat final de Gardien de Galaxie, Star-Lord du 2. Star-Lord et son père. Oui. Ah, ouais. C'est pareil, j'ai trouvé ça trop absurde, trop. Enfin, j'ai pas accroché, quoi. C'est... Ouais, mais c'est les Gardiens de la Galaxie aussi. Tu peux aussi. Ouais, ça passait passe. Mieux parce qu'il y a un côté. Ouais, c'est ça, le truc, c'est que tu peux. Parce que là. Il y a un côté déconnant, ça passe, quoi. Ouais. Sauf que là, ils te mettent dans le MCU une fille, excusez-moi, mais sortie de nulle part, qui a aucun charisme, et qui se retrouve avec. D'une huître cuite, alors. Ce personnage se retrouve là, en fait, aucun charisme, il sait pas ce qu'il veut dans la vie, il a pas de but, elle est carrément errante parce qu'à la fin elle se promène dans la rue et puis. Ouais, là c'est un peu. Ouais, c'est. Fin... Ah, tu dis, elle va au moins remonter sur ses bords ou tu sais, débrief. En fait, tu vois, t'as oui, même pas. Ça, ou... C'est le truc qu'on essaie de même pas un débrief avec le gouvernement, tu vois, quelque y a rien. Chose, t'as non, l'impression en fait, que ça elle se passe, bute, et puis après, c'est plus rien, ouais. Après, ça va être le nouveau Sonia et Gaïa, ça va être un peu comme Fury et. Ouais, mais c'est ça, ils sont en train de préparer les nouveaux Avengers, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est trop gros. Je pense que la nouvelle Sonia va remplacer Fury. En faire un super-héros, je trouve ça quasi... Enfin, bon, tout le monde dit que c'est la plus puissante, mais pas forcément. Mais en faire un super-héros d'une telle puissance alors qu'elle n'a pas de charisme, waouh. Enfin, franchement, ouais. Ou d'une huître cuite, c'est chaud, quoi. Ouais. Enfin, le truc, moi, c'est j'ai envie qu'elle soit la plus puissante. Mais tu vois, le truc, c'est que l'actrice joue pas mal, tu vois. Elle a joué dans d'autres trucs où elle jouait pas trop mal. Bon, c'est pas la meilleure actrice du monde, mais elle joue quand même pas mal. Mais là, elle a vraiment... T'as l'impression que ça l'emmerde d'être là, quoi. Je trouve que même dans Game of Thrones, elle avait pas trop d'expression non plus. Hein. Ouais, je sais pas, il y a des moments où ça passait quand même bien. Parler, c'est le rôle. Oui, bah c'est ouais, ça. Bah, c'est le rôle, comme ça aussi. Hein. Ouais, bah, là, c'est un peu pareil, finalement. Là, le rôle d'une nana sans expression. Hein. Ouais. Elle a qu'un seul avantage, maintenant, c'est qu'elle pourra remplacer n'importe quel Avenger, c'est même prendre son apparence. Oui, c'est ça, au final, ouais. Bah oui. Mais tu vois, regarde, ce que je me dis, c'est qu'on a 6 épisodes. Chaque épisode, ça. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent ? Ils font des économies. C'est ça, ouais, c'est ça. Oui, voilà, Avengers. Merci, ouais, Bob Iger. Mais limite, elle avait plus de charisme dans Terminator, tu vois. oui, c'est vrai. Non, elle jouait mieux, hein, franchement, elle jouait mieux. C'est le rôle de sa vie. Mm. Mais tu vois, même au-delà de ça. T'as eu 6 épisodes. Chaque épisode, on va dire, allez, t'avais sur 45 minutes 50, t'avais quoi 30, sans le générique, à peu près 35 minutes d'épisode. Si on fait une moyenne, 35 minutes. Ouais, à peu près. Tu fais 35 fois 6, elle apparaît de combien de temps? Franchement, grand max, elle apparaît combien de temps? Son temps d'écran doit pas être énorme. Pas. Bah, à part ici, dans le dernier épisode, où on la voit un peu plus avec le combat, et encore, enfin, oui, si elle, on la voit. Parce que le combat, il dure 2 minutes. Hein. Ouais, c'est ça, quoi. Mais. En fait, le truc, elle est quasi pas apparue. Ils en font quasiment le personnage central, tu vois. Enfin, évidemment pas après Fury, mais ils en font le deuxième personnage de la série, alors qu'en fin de compte, on la voit très peu. Et à part, regardez, elle est morte, mais elle est extrémiste, donc elle revient. Ah, cool. Regardez, elle a chopé tous les pouvoirs. Bah ouais, c'est bien. Mais à mon avis, elle était chère. Ils ont tourné, ils ont enchaîné ces jours de tournage avec elle pendant une semaine, et puis voilà quoi. C'est possible aussi. Bon, ouais. Là, il y a une journée là. Tu vois bien qu'il y a une semaine. Ouais, il y a une semaine pour toutes ces scènes. Bon. Ouais, je pense. Minimum. Ouais, minimum. Mais bon. Sans reshoot. Alors, du coup, hein, parce que... ouais. Avec les reshoots, pardon. Franchement, tu vois bien que tout est axé sur Fury et puis t'as elle qui arrive. Enfin, bref, c'est tout ça pour ça. Comme dit. Et surtout qu'au final, c'est. Oh. Enfin, à part la création de ce personnage-là, il se passe rien dans la série, quoi. Littéralement. Parce que. Non, ouais, ok, les Skrulls, bah, ils sont toujours là. Elle a tué l'autre, mais à part ça, c'est tout. Fury, il était sur Saber, il retourne sur Saber. Bah, ouais, il faut préparer. Il y a The Marvels qui arrive, donc il faut qu'il retourne sur Saber. Je sais pas, c'est. Ouais. Non, mais c'est ça. Il est venu au début, puis il est reparti d'où il venait. Le seul truc, c'est qu'il est remonté avec sa femme, donc la série présente sa femme. Oui, voilà, ouais, c'est vrai. Ils ont fait dans le film, c'était pareil. Ça changeait rien. Ouais. Ouais. Alors, après, il y a quand même un truc que j'ai trouvé méga intéressant et quand même et qui, quand t'es fan du MCU, c'est l'idée de la récolte, tu vois. Ça, je oui, trouve ça, ça vachement intéressant. Et je trouve que c'est qu'à la partir de l'épisode 5 qu'ils ont commencé à vraiment en parler. Mmh. Et l'épisode 6 nous a montré à quel point. Enfin, je sais pas vous, mais quand ils passent la fiole sur la machine, et t'as un grand nombre de personnages du MCU qui circulent. Il y avait le nom de Gamora. Je me suis permis de ce matin de les repasser au ralenti pour voir. Du coup, j'ai réussi à voir qui c'est. On en parlera. Mais tu vois, tu dis tiens, il y a quelque chose. Là. Pourquoi ils n'ont pas fait toute la série là-dessus? Tu vois? Oui, ça aurait été bien. Ça aurait été excellent. Tu vois, tu dis putain, les enjeux, effectivement. J'ai trouvé ça dommage que c'est vraiment à la fin où tu trouves le truc intéressant où tu apprends que Gravik avec d'autres personnes vont sur le champ de bataille à fin d'endgame pour récupérer les ADN de tout le monde et tu te dis putain mais pourquoi ils n'ont pas fait ça dès le départ et tu sais, c'est pour présenter les nouveaux personnages, notamment Sonia, ça sert essentiellement à ça, je pense, parce qu'à mon avis Fury va bientôt, ça sent le sapin pour Fury, je pense, dans pas longtemps. Et ça va être Sonia qui va le remplacer certainement. Ou... Oui. Sonia, c'est enfin, celle qui va à la fin voir Gaïa et qui lui dit tiens. Soit dit en passant, avec Fury, le meilleur perso de la série, hein, je trouve. On la voit pas assez. Et d'ailleurs, voilà, tu l'as dit la dernière fois. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent ? Je suis du même avis. Sonia. Moi, je voudrais bien une série que sur elle, tu vois. Ouais. Elle m'a touché, mais grave. J'ai dit, purée, elle est bonne. Elle est vraiment. Mais tu vois, regarde, Oli. Actrice, je veux dire. Hein. Olivier, lui, tu vois, quand tu disais la semaine dernière, j'ai hâte de voir, je me souviens, tu l'as dit, j'ai hâte de voir le duo Sonia-Nick Fury. Oui, qui sont pas. Dit, et en fait, tu ne l'as pas eu, là. J'ai rien eu de ce que je voulais. Dans le dernier épisode, il y a 25 secondes de duo, quoi. Mais hop. Avec le président, oui. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, l'acteur, il joue pas top, hein, celui qui fait le président, je trouve. Hein. Non, très déçu pour un président. Ce sera plus lui, de toute façon, ça sera Harrison Ford après, normalement. Donc, C'était un clin d'œil à Joe Biden. Arrête, ça va se faire censurer. Ford, il joue le général Ross. C'est Ross qui va jouer. Hein. Ah oui, c'est général Ross, oui, pardon. Oui, pardon. Mais comment. Oui, non, mais après, bon. C'est là où comment tu te dis, je me suis posé une question, je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas encore une série qui a introduit un film? Je maintiens le fait qu'elle introduise The New Order de Captain America, mais ouais, ce serait pas déconnant, mais le truc c'est qu'en fait ouais, elle sert à rien, en fait, c'est dommage, mais honnêtement, tu mets 20 minutes en début de film en disant en mode, ah, Fury, qu'est-ce que t'as fait les deux dernières années? Ah, ben, je me suis battu contre les Skrulls, machin. Ah, vous vous souvenez des Skrulls? On les a vus dans Marvel. Enfin, dans Captain Marvel. Et puis, et au final, on a un super Skrull. Regarde, elle est super puissante. Bon, ok, voilà, ça y est, c'est fait, quoi. Et même, tu vois, ils auraient pu introduire Gaïa dans The Marvels. Parce qu'au final, elle a les pouvoirs. Donc, elle a aussi les pouvoirs de la lumière, là, qu'on a vu dans le dernier trailer, et au final, bah, elle a le même genre de pouvoir, donc elle devrait être aussi impactée que les autres. Donc ils auraient pu l'introduire là-dedans, et puis éventuellement introduire les deux, trois autres personnages, soit dans une scène post-générique, comme ils l'ont déjà fait 50 fois, et ça marche bien, soit en début d'un film, Sonia, il l'introduisait en mode « vous avez vu, je me fais un peu aider par une anglaise, machin, voilà, c'est bon, quoi. » Non, donc, mais elle, en plus, Gaïa, la même, quand tu la vois, même à la fin, t'as l'impression qu'elle a même pas envie d'aider les Skrulls, hein. Non, t'as mais non, qu'elle c'est ça, en fait. Truc toute seule à fuir. Elle fuit. Parce en fait, que, voilà, elle voulait se venger de Gary parce qu'il a tué son père et puis c'est tout, quoi. C'est vraiment ça, c'est l'impression qu'elle donne, en tout cas. Ouais, t'as pas l'impression qu'elle veut faire comme son père, aider son peuple, quoi. C'est rien du tout. Non, pas du tout. C'est pas son ambition. C'est un peu mal. C'est une adolescente. Est-ce que vous avez vu quand. Ouais. Ouais. C'est un peu ça. Ouais, enfin, oui. Est-ce que du coup, quand vous avez regardé la machine où il met l'ADN, vous avez regardé à peu près les noms? Vous oui, avez vite pas fait. Tout. J'ai vu Gamora, moi. Vite fait. Vous avez lu ce PC. Alors, le truc, c'est que. Enfin, ça, par contre, ça. Enfin, team premier degré, mais ils font comment? Parce que déjà, ils ont mélangé tous les ADN dans la fiole. Donc, vas-y pour retrouver qui est qui. Ensuite, ok, ils arrivent à identifier les ADN de chacun. Thermomix, c'est sûr. Ouais, probablement. Mais le truc, c'est que, du coup, s'ils arrivent à identifier l'ADN des gens, ça veut dire qu'ils ont déjà quelque part pour le comparer. Il doit y avoir quelque part une correspondance entre l'ADN et le nom. Et c'est pas dans l'ADN qu'il y a le nom de la personne. Oui, la base, oui. C'est pour que le spectateur lambda comprenne. Oui, mais quand même, c'est gros, quoi. Voilà. Ou alors, tu vois qu'ils le disent en disant, mais c'est un genre de cube de données, mais qui est sous forme liquide, tu vois, parce que tu peux stocker des données dans de la matière. Et alors, ouais, en même temps, ils peuvent faire comme ça, tu vois. C'est quelqu'un avec du bourbon. Alors, oui, c'est aussi. Ouais. Tu dis, enfin voilà, ça m'a un peu. J'ai vu le truc, j'ai dit, c'est gros quand même, quoi. Non, moi, alors, en fait, du coup, j'ai regardé. Oui. Non, en fait, ce que je disais, c'est que les points forts de moi, ce qui m'a plu dans cette série, c'est pas forcément l'histoire, effectivement, c'est les personnages. Je trouve que tous les acteurs, à 90%, sont très bons. Il y a toujours une scène forte, comme la scène de Gravik et Fury dans le dernier épisode. La scène de dialogue, j'ai adoré, quoi. Et il y a toujours une scène comme ça dans chaque épisode. Je trouve qu'il y a. Même dans l'épisode 6, tu trouves? Ouais, j'ai bien aimé la scène juste avant le combat, oui. Avec Fury et Gravi. En fait, le truc, c'est que ça te crée une proximité entre les personnages, mais qu'ils exploitent même pas, quoi. Enfin. Pas encore une fois, tout ça pour ça. Vraiment. Je vais l'appeler comme ça, le podcast, son titre. Ouais, je pense. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Alors, du coup, j'ai regardé un peu les noms, et il y a deux noms ralentis, et il y a deux noms qui m'ont interpellé. Alors, je vois pas du tout à quel moment ils peuvent apparaître. Donc, il y avait en nom classique, donc Thanos, et puis tous ses acolytes, là, que l'Obsidian, bon, ça, on le savait déjà. Il y avait Proxima Midnight et Bonnie Mo qui sont, et Chitauri qui sont les acolytes de Thanos. Et il y avait en Avengers, alors attends, j'avais listé, t'avais Captain America, Hulk, Thor Odinson, t'avais les Gardiens Galaxie, donc t'avais Drax, t'avais Gamora, Mantis. D'ailleurs, elle voit, je crois qu'à un moment elle le fait, elle l'endort. Ouais, elle l'utilise pour lui dire de dormir quand il s'envole là. Ouais. Et puis le gars, il se réveille comme ça tout près. T'avais Gaïa, t'avais Korg, d'ailleurs elle se transforme en Korg à un moment. Oui, elle récupère son bras, ouais, c'est juste. Parce que t'avais le bras de Drax, mais t'avais aussi à un moment le bras de Korg, ouais. Tu ne sais même pas pourquoi. Ouais, c'était bien gros. Ouais, c'est ça que je trouve ridicule. Visuellement, c'était moche, ouais, c'est ça. Oui, puis alors, stratégiquement, elle a les pouvoirs de Hulk. Si elle veut vraiment de la puissance, c'est Hulk, je suis désolé, c'est le plus fort. Enfin. Juste en puissance brute, c'est le meilleur. Donc, meilleur. Stratégiquement, c'était pas une bonne idée. Surtout qu'il fallait faire ça dès le premier épisode, en fait. Ouais. Fury aurait dû aller chercher ça dès le premier épisode. Et puis... Ouais, là, on aurait rigolé. Ah ouais, t'avais Captain Marvel, et t'avais Black Panther aussi, qui était marqué. Le Soldat d'Hiver, je l'avais vu aussi. Ouais, ça j'ai vu, ouais. J'ai vu Soldat d'Hiver. Par contre, il y en a deux qui étaient et que j'ai pas compris pourquoi. C'était l'Abomination. Si, on va. Si, lui ressemble. Mais... Hein, ouais, mais que, ouais, mais ouais, le truc, mais, c'est que ouais, comment... mais... Ou alors ils ont récupéré son ADN quand il est en prison. Ouais, mais le plus bizarrement, il dit que c'est l'ADN qu'il a récupéré lui-même sur le champ de bataille. Ouais, mais si ça tombe, c'est un agglomérat qu'ils ont récupéré à différents endroits, quoi. C'est ça, c'est l'agglomérat de tout ce qu'ils ont récupéré jusque-là. Ouais, c'est ça. Parce que pareil, l'ADN de Thanos, je sais pas à quel moment ils l'ont récupéré. Hein. Bah, sur le terrain de combat, hein, ils l'ont défoncé. Mais le truc, et c'est que techniquement, ils n'auraient pas pu le récupérer puisqu'il le snap, Thanos. Donc tout son matériel génétique disparaît avec lui, même s'il y a une rognure d'ongles sur le terrain, elle devrait disparaître aussi, tu vois. Ça reste Thanos. Est-ce qu'il avait des ongles ? Est-ce qu'il avait des ongles, Thanos ? C'est là qu'on dit ta gueule, c'est magique, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, parce que si on veut vraiment aller sur ce terrain-là, récupérer l'ADN de Captain America et du Soldat de l'Hiver, ça sert à rien parce que leur puissance vient du super sérum qu'ils ont pris. Donc en vrai, ça sert à rien, ça n'a pas changé leur ADN. C'est pas comme Hulk où son ADN a réellement été modifié. Voilà, si on veut vraiment y aller en team premier degré, il y a des trucs à dire. C'est vrai. Tout à fait. Tout à fait, team premier degré. Non, mais tu vois, il y a des trucs, c'est gros. Ouais, non, mais. Bon, après, voilà, ça passe. Hein, mais, Dans les Marvel, faut jamais chercher le, ah ouais, non, c'est clair. Le crédible, c'est sûr. Et il y avait un dernier nom, c'était Ghost. Et Ghost, c'était la méchante. Enfin, la méchante. Il n'y avait pas Ward the Duck dans ta liste. Non, ça, c'est dans les Gardiens 3. Ouais, c'est dans le 2 qui est aussi chez les collectionneurs, je crois. Bref, ouais, pour dire, c'est que comme à la fin du 1, on peut générique, je pense. Oui, on peut générique. En tout cas, il joue au poker dans le 3, je crois. Ouais, et il y avait Ghost, et Ghost, en fait, c'est la méchante. C'est dans le deuxième Ant-Man, hein. Ouais, c'est ça. Alors, pareil, je sais pas d'où elle sort, honnêtement. Bah, ça doit être encore une fois, ils l'ont récupéré quand ils l'ont emprisonné ou un truc comme ça, tu vois. Mais... Ils ont pensé à piquer tout le monde dedans, y compris les méchants. Ça. Attends, bouge pas, je te fais un prélèvement. Pourquoi vous faites ça ? T'inquiète, c'est pour un test Covid, bougez pas. Pousse, on arrête le combat. C'est plus presque, ils n'ont pas oublié le perso. C'est juste un test Covid, sinon vous battez avec le masque. En fait, ils devraient nous embaucher, il faut faire une lettre à Bob Iger, ils nous embauchent pour écrire les scénars, on ferait un truc d'enfer. Ah oui, plus... un truc plus que... d'enfer, je sais pas, mais peut-être mieux qu'eux. Peut-être avec moins de trous scénaristiques. Bah, c'est là où ils ont intelligent, c'est justement que sur ce truc d'ADN, tuer des ADN de personnages qu'on n'a pas encore vus, tu vois, histoire de te dire, ils sont là, ils vont apparaître pour pouvoir bien les teaser à l'avance, quoi. Même s'ils n'utilisent pas les pouvoirs ou quoi, au moins, tu vois, on peut te dire que les persos existent déjà. Ouais. Ouais, genre ils auraient pu balancer un truc avec les X-Men ou un truc comme ça, quoi. Ouais, on a l'ADN d'X-Men dans le tas, ouais. Tu vois, un truc au putain, le machin, on l'a pas encore vu. Bah ouais, mais tu mettais un truc genre Wolverine ou compagnie. Bah écoute, ils bossent pour un truc secret et compagnie. Ils ont été, les Skrulls ont réussi à rentrer dedans à l'époque où ils bossaient pour Fury, pour aller piquer de l'ADN à Weapon X et compagnie. Ils auraient pu, largement. Ouais. Et ça, c'est une occasion, je trouve qu'ils ont complètement foiré de pas les tirer justement des persos à teaser pour le futur là-dedans, quoi. Ah, ça aurait pu être drôle, ouais. Bref, on a ce passage-là qui est plutôt pas mal. Et enfin, on a le passage du président, moi, qui j'ai trouvé assez violent. Enfin, honnêtement, quand il fait son discours où il fait une chasse aux sorcières, je sais pas ce que vous avez pensé, mais j'ai trouvé que le discours était d'une violence. Ouais, C'est pas crédible parce qu'il fait poulouiller pendant toute la série. Mais oui, c'est ça en fait. Et là, il se réveille à la fin. Yeah, je suis super méchant. Ouais. Ou alors, il est manipulé par quelqu'un, je sais pas. On le saura peut-être plus tard. Ou c'est un Skrull. Peut-être un Skrull. Non, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Je pense pas. De toute façon, il y a plein d'incohérences dans ce dernier épisode, comme par exemple Sonia, il suffisait qu'elle tire dans la main de War Machine, et le président voyait tout de suite qu'ils étaient un Skrull. Ça, j'ai pas compris, tu vois. Pendant toute la série, on dit, et en fait, il suffit de le faire saigner, on voit que le sang n'est pas de la bonne couleur, et puis là, non. Ouais. Ouais. Alors que techniquement, non. Hein. T'explique tous les trucs où tu voyais les Skrulls, que génétiquement, ils avaient l'apparence jusqu'au bout. Oui, c'est ça, ouais. Normalement, même si tu leur fais un prélèvement ADN, c'est le même. Ouais. Donc, non, c'est Et justement, c'est ça qui les rend impossibles à identifier. Enfin, c'est l'intérêt, quoi. Quand elle lui coupe le doigt, que le doigt reprenne sa forme, j'ai trouvé ça presque. Enfin, là, j'ai trouvé ça logique. Oui, ça, oui, parce qu'il est déconnecté de. Ouais, elle aurait dû faire ça, quoi, tu vois. Un truc dans le genre. Ouais, tu lui tires dans la jambe. Ah là là, regardez, là, sous la douleur, il reprend sa forme. Mais c'est quoi ce Skrull de merde? C'est un Skrull en licence, c'est normal. Non, mais il a encore le A derrière. Dans le comic Secret Invasion, si ça se marchait comme ça, quand ils se mettent sur la gueule, ah, j'ai tapé dessus, il a repris sa forme, c'en est un. Ça aurait simplifié le scénar. Il a une bosse verte, c'est bon, c'est un Skrull. En tout cas, on est, moi je le trouvais méga violent, et puis les conséquences aussi de ça, ça me fait penser un peu, bon c'est peut-être extrême ce que je vais dire, mais un peu c'est un discours de Donald Trump qui attise la haine de certains. Et tu vois vite les conséquences en plus. Enfin, t'as une scène où tu vois vite qu'il y a des gens qui tuent des gens au hasard. Ouais, c'était pas mal d'ailleurs. C'est assez bien. Mais ça montre bien là. En fait, là, j'ai vraiment l'impression que c'était vraiment une critique politique assez marquée de ça. Et c'était un peu bizarre en fait de voir ça dans le cadre de cette série, tu vois, j'ai l'impression que c'était le petit step de trop, parce qu'il se mouillait pas trop politiquement jusqu'à présent, et puis là c'est vraiment en mode, hé, regardez, en fait on n'est pas d'accord. Bon, okay, et Nick Fury lui fait une sorte de morale en disant, en faisant ça, vous ouvrez une chasse aux sorcières, donc il y aura effectivement des Skrulls qui vont mourir, et donc tu vois à un moment une Skrull mourir, je crois, une journaliste. Ouais, c'est ça. Ouais. Et d'autres qui ne seront pas Skrulls qui vont mourir, et là tu vois vraiment une humaine mourir, quoi. Ouais. Et on la voit bien, Gaïa va la chercher d'ailleurs, cette humaine dans. À la fin, donc, quand elle va chercher War Machine, tout ça. Et on voit Sonia sur War Machine. Quand ils vont le chercher, alors c'est pas moi, j'y ai pas fait attention, c'est mon meilleur ami qui me dit qu'au moment où ils le sortent de la machine, il a sa tenue d'hôpital et et vu qu'il ne marche pas, qu'il ait été échangé juste après Civil War. C'est probablement ça, oui. Il y a même des gens qui ont été cherchés plus loin. Il y a des dialogues dans, je ne sais plus si c'est l'avant-dernier ou le dernier Avenger, où il parle avec la sœur de Gamora, avec, j'ai oublié son nom. Enfin bon, la sœur de Gamora, à un moment donné, elle lui dit, ils ont une scène tous les deux, elle lui dit, j'ai beaucoup changé, je ne suis plus la même, et lui, il dit, moi non plus. Oui. Moi aussi, j'ai beaucoup changé. Mmh. Et quand Iron Man meurt, il le regarde et il ne lui dit pas un mot. Et ça, j'ai pas encore vérifié ça. Oui, c'est vrai. Pour aller plus loin encore. Oui. Non, c'était juste pour dire. Enfin, au final, ce qui est un peu dommage, c'est que le seul vrai, le seul Avengers qui a un Skrull, ça reste lui qui est pas. Voilà quoi, c'est War Machine. C'est pas un Tony Stark. C'est pas un Captain America. C'est pas. Enfin, c'est un peu dommage, je trouve. Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas l'armure dans le film? Oui, ça aussi, ouais. Ouais, parce que je m'étais dit, il l'aurait fait en synthèse, tu vois. C'est pas. Donc il était là, je sais pas, il aurait dû servir au dernier combat, enfin je sais pas, pour faire un truc avec un super héros. Ouais. Et même quand le président attaquait. Oui, c'est ça quoi, il sort son arme de War Machine, c'était bon quoi. Même si c'est fait exprès, bah, il aurait pu se mettre en War Machine, montrer qu'il intervient, quelque chose, là vraiment c'est. Ouais, ouais, ouais, c'est pour, non, pas... mais ils ont gardé tout le budget de l'armure pour Armor Wars. Il faut pas la sortir. Si on le voit même pas. Si on le voit même pas. Pas d'Armor Wars. En tout cas, c'est-à-dire que dans Armor Wars, ça sera le vrai James Rhodes. Peut-être. Dépendant de quand elle se passe, oui. Si ça tombe, ils vont nous la faire. En fait, oui. C'était 5 ans avant. Ah, ok, merci. Moi, j'y crois pas, par contre. Moi non plus, je pense pas, mais ça reste assez chronologique, en fait. Mais tu vois, genre, j'étais quand même persuadé jusqu'au dernier épisode qu'on allait voir un super-héros. Hein. Ah ouais, bah pareil, du coup, ça m'a vachement déçu, finalement. Tout ça pour ça, quoi. Je reste vraiment sur... La durée de l'épisode, quoi. Je l'ai trouvé méga court par rapport aux autres. En fait, ils sont tous pareils, je crois. Attends, je vais vérifier, mais je crois qu'ils font tous... Ça, je crois pas. Ils font tous 37 minutes, je crois. Avec le générique, ça fait... La grande question là qui va se poser, c'est suite au discours du président, on a Sonia et Gaïa qui se retrouvent, qui s'allient, mais on sait pas trop ce que Sonia souhaite faire avec Gaïa, quoi. Bah, elle va créer les British Avengers. Tu auras les Young Avengers, il y aura les... Tu auras Henry Cavill. Henri Cavill en Captain UK. Captain Britain, ouais. C'est pas impossible en plus, hein. Non, mais ça m'étonnerait pas en fait qu'elle se fasse. Henri Cavill, ça serait trop bien. Tu vois, regardez, les Avengers étaient gérés par les Américains, ça a été la merde, et puis maintenant on va en faire des Européens. Enfin, je suis sûr, ils pourraient tout nous sortir, je pense. Oui, non, c'est les trois derniers qui durent 30 minutes. Ok. Le premier. Serait bien qu'il y ait un super héros Marvel français. Les 54. Il se battrait avec une baguette et son bah, y a super pouvoir ce serait de mettre son béret. Je rigole, il existe. C'est Marvel ou pas ? Mais n'importe quoi. Il existe un seul super-héros Marvel français. Ah, il y en a ? Ouais. Il s'appelle le Faucon Pèlerin. C'est vrai ? Ça vend ? Ouais. Non, c'est pas une blague, c'est vrai ? Ah ouais, oulala, on dirait un Batman Wish, quoi. Ouais. Alors, on retiendra tous que Gambit il parle français et c'est tout. Oui. Oui, mais il est américain, c'est la Nouvelle-Orléans. Il est français, c'est la seule chose qu'on va retenir. Après, il y en a pas de Belge, donc j'ai rien. Ça vend. Imagine le Faucon Pèlerin qui arrive. Voilà, hop. Et là, c'est vraiment qu'ils ont été raclés le fond du tiroir des licences. Quoi. Attends, je suis sur la page Wikipédia. Le Faucon Pèlerin, nommé Pérégrine, il est né à Moulins, en France. Et son vrai nom, c'est Alain Racine. Oh mon dieu, oh là là là. C'est excellent. Faut qu'il y ait du kilomètre dans un film. Dans le tournoi des champions, durant lequel le grand maître de la mort. Et c'est l'ennemi. Ah, et c'est l'ennemi de Kang le Conquérant. T'imagines, il mettrait Depardieu. Genre comme tout le monde, quoi. Depardieu pour le faire, tu sais. Oh. Comme il est bankable aux États-Unis encore. Gérard Depardieu dans. Oh. Dans Alain Racine. Le Faucon Pèlerin. Ah, c'est quand Kang a attaqué l'Europe. Je ne sais même pas que Kang avait attaqué l'Europe. Mon dieu. Le Faucon Pèlerin. Attends, il était dans Civil War. Dans le Civil War. Ouais. Ouais. Il est engagé par le gouvernement français pour patrouiller les frontières françaises. Et empêcher les réfugiés américains de venir en France. Ah non, c'est marqué et empêcher les réfugiés belges de venir en France. Ah non, c'est américain. On n'est pas sur la même page. Voilà, donc du coup, tu vois, attends, est-ce qu'il y a un comic ? Je crois pas qu'il y a un Marvel, un super-héros belge. Non, je pense pas, non. Il y a Tintin déjà, ça suffit. Dans Marvel, je crois pas. Non, non. Bah, nous, on a Faucon Pèlerin, monsieur. Non, par contre, on a quand même des réalisateurs qui ont réalisé une série, donc c'est déjà pas mal. Ah bon, laquelle ? Miss Marvel, réalisateur est belge. Miss Marvel, oui, ça, Miss Marvel, oui, je crois que tu me disais, c'est une grosse série. Oui, Miss Marvel. Bah, c'est déjà pas mal, quoi. Attends. On a des meilleurs effets spéciaux que dans d'autres séries. Hein. Je n'en dirai pas le nom, mais. Oui, non, Miss Marvel. Ouais, parce qu'on parle des effets spéciaux de chez Hulk. Hein. C'était celle-là que je vous entendais. les gars, vous voulez la guerre. Hein. Ouais, vous voulez la guerre, en fait. Vous voulez vous battre ? Voulez-vous battre ? Parce que moi, je connais très bien le Faucon Pèlerin, il peut venir vous bouger. Il va m'empêcher de passer en France ce week-end. Ah, d'ailleurs, elle a pas. C'est ça. Il y avait pas de la dette de chiffre. Il va être embauché par. Il y avait aucun. Non, il y a pas la dette de chiffre. Des persos récents en fait. Non. Et en plus, des persos en plus qui ne sont pas sur le terrain de. Sur la, bah, le champ de bataille de l'endgame. Bref. Et enfin, dernière chose, alors c'est là où je me suis mis le culte. Enfin, franchement, c'est là où tout ça pour ça est au summum de tout. C'est qu'à la fin, on apprend que Nick Fury est en fait en pourparlers avec les Kree. Oui. Oui. Qui seront les. Je crois que ça, c'est le summum. Ça va être les méchants les, du, de Cap, des films du dernier Marvel. De Marvel. Ouais, d'après ce que j'ai vu dans la bande-annonce. Oui, parle d'écrit. Ouais. Enfin, pas l'écrit, ça serait normalement un méchant, enfin, ce serait un cri qui est méchant, mais c'est pas l'écrit, le peuple cri qui ce serait un cri qui est méchant. Un cri qui est méchant. Non, ok. Un cri qui est méchant. Ouais. C'est pas, fou. Ouais, pas fou, pas fou. Si, ça passe. Ouais, ça passe, ok. Merci. C'est pas celui de Pinocchio, en tout cas. Non. Mais. Ouais, ils auraient pu récupérer celui-là. L'animation de celui-là et ça leur aurait fait du budget. Hein, pour autre chose. Ils ont la même couleur. Ouais. Sur un ton, ils ont quasi la même couleur. Voilà. Donc pour vous dire, c'est que voilà le culte de tout ça pour ça, c'est qu'à la fin en fait, en gros, c'est un peu un happy. Ça me fait penser, tu sais, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ça m'a fait penser à ça. Donc il y a Vara qui arrive et qui lui dit, en gros, qui dit, je vais venir avec toi parce que il faut négocier avec les Kree. Voilà. Alors ça m'a achevé à la fin. Je sais pas vous. Laurence, ouais. T'as pas achevé, toi, ça ? Pas crédible. Ah non, il dort pas. Non, c'est surtout qu'on s'en fout un peu, quoi. Enfin, de, mais oui, de c'est sa, ça, en fait. De, ça n'a rien sa à faire, là. Et puis, je trouve que l'alchimie, déjà, dans les épisodes, je trouve que ça marche pas entre eux. C'est le seul couple de personnages où tu crois pas, en fait. Ah, c'est parce qu'elle est verte. Alors, c'est... moi, j'ai trouvé l'actrice. Il lui fait un bisou. C'est vrai. Et je me suis posé une question en plus quand ils se sont fait un bisou. Je me suis demandé s'ils avaient mis la langue et si la langue d'un cri c'était fourchu. Alors moi je me suis dit qu'il a dû se faire mal avec ses dents parce qu'elle a des petites dents pointues. Dents pointues. Je ne dirais pas. Ah, tu es pas le seul à me poser des questions. J'ai vu ses dents. T'as pensé à autre chose toi. Complètement. Pauvre. Il a pas perdu qu'un œil. Il a pas perdu qu'un œil, ouais. Oh là là. Ça, cela ne sera pas censuré, je le précise. Tu vas devoir mettre l'épisode en explicite. C'est ça. Déjà avec la blague du. Tu parlais des oreilles de Skrull, c'est ça. Voilà. Il parlait de ça. Ah oui. Voilà. Ouais. Donc du coup voilà, c'était la pause. Et après bah, la série se termine ainsi. Voilà. C'était un épisode court. Moi je l'ai trouvé assez bâclé parce qu'il allait trop vite. Et pour le peu qu'il y avait de choses intéressantes, c'était vraiment sur la récolte où je pense qu'ils auraient dû faire tourner tout le film dès le départ là-dessus. Franchement, dès le départ. Mais bon, c'est un avis personnel. Olivier, si tu veux faire un bilan de cette série-là. Dans sa globalité, j'aime beaucoup cette série pour plein de choses. Enfin, pour les acteurs, comme je l'ai dit. Pour la réal, c'est le même réalisateur qui a réalisé tous les épisodes, ce qui est assez rare dans une série. Ce qui fait qu'il y a une cohérence visuelle sur les plans, etc. Donc, enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé. Je pense que c'est en grande partie dû à Samuel L. Jackson qui incarne Fury à la perfection. Après, c'est beaucoup mieux que ce qu'a fait David Hasselhoff à ce niveau-là. Ouais. Tu préfères David Hasselhoff en Fury, toi? Ah, il a un certain charisme, Hasselhoff, quand même. Ouais, je sais pas. Il a joué dans K2000, mec. Non, quand t'as joué dans K2000. Il a fait Nick Fury aussi. Et puis je sais plus ce que oui, je veux dire. Il a joué dans K2000. Ouais, et puis la découverte de Sonia. Enfin, moi j'ai bien aimé. Je me suis pas ennuyé. J'ai pris du plaisir à suivre cette série. Il y a que vraiment l'épisode 6 qui t'a déçu, quoi. Oui. Oui, parce qu'il y a pas. Oui, j'ai aimé tous les épisodes. Le rythme lent m'a plu, bizarrement. Et puis c'est pas parce que. Oui, c'était pas dérangeant. Ouais, c'est pas parce qu'on n'aime pas le dernier épisode. Il y a plein de séries. Tu regardes la fin de Game of Thrones, par exemple, qui est catastrophique à mes yeux. C'est pas pour ça que je trouve que la série est moisie, pour autant. Ah, mais ça, c'est la faute d'Emilia Clarke, ça encore. Oui, c'est vrai. Surtout, elle porte la poisse. C'est ça. Vous voulez mal finir vos séries ? Faites appel à Emilia Clarke. Donc voilà, c'est vrai que la fin était décevante, mais c'est pas non plus un épisode complètement nul, nullissime. Il y a des bons trucs. C'est surtout le combat final qui bâclé et mal fait. D'accord. Laurent, toi, qu'as-tu pensé de cette série-là ? Ben, je pense un petit peu comme Olivier. C'est... Ça, c'est un petit peu. Ça va, j'ai bien aimé la série. Les choses que j'ai à dire, c'est que ben, on pense à Nick Fury quand on nous a présenté la série. Et on avait en mémoire un Nick Fury qui était vraiment waouh, il envoyait du lourd et tout. Et du coup, c'est vrai, on arrive sur une série qui a un rythme moins rapide, mais on s'y fait. Au début, je l'ai dit, j'ai eu du mal le premier épisode, et en regardant la suite, je m'y suis fait et je me suis laissé prendre au jeu. Ça a marché, ça a bien fonctionné là-dessus. Par contre, j'ai découvert un personnage, c'est Sonia. Franchement, c'est ce personnage-là, moi, que je kiffais énormément. Et je pense qu'à l'avenir, c'est quelqu'un qu'on va voir à l'avenir, ça c'est sûr. Elle remplacera Fury, je suis sûr, à terme. Ouais. Ah oui, c'est clair. Ça serait sympa parce qu'elle a un caractère. Mais c'est vraiment c'est la réussite. Un caractère plutôt plaisant. C'est la réussite de cette série, hein, c'est ce personnage. Hein, c'est clair. Je suis d'accord. Mais limite, elle était. Limite, c'était l'une des meilleures, un des meilleurs personnages de la série. Et je trouve scène chez le boucher, ouais, est énorme. Et je trouve qu'on la voit pas assez avec Fury. Ils auraient pu faire des épisodes, des scènes de ouf avec tous les deux. C'est clair. Il y avait un tel potentiel. J'ai vraiment pensé à toi, cet épisode-là. J'ai dit qu'il va être déçu, Olivier, au final, parce qu'en fait, il n'y a pas de duo, en fait. Ah ouais, non, mais c'est... Ouais, c'est dommage. En fait, il y avait tellement... Ça aurait pu être un petit bijou, cette série, en fait. Ils avaient tout pour faire un truc génial, et puis ils sont à passer à côté de plein de trucs. Ouais. C'est comme... Ouais. C'est dommage. Tony, la série, alors pareil, je comprends pas cette fin. C'est complètement à côté. Voilà. Tout ça pour ça. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Mais moi, en fait, au début, je la trouvais un peu lente. J'avoue, le premier épisode, j'ai eu du mal à mettre dedans. Par contre, après, j'ai compris que c'était vraiment. On était à fond sur de l'espionnage, donc c'était normal d'avoir des lenteurs. Donc, j'ai commencé à vraiment apprécier ça. Vraiment mi-saison, ça m'a vraiment. Je me suis vraiment rentré dedans. Et l'avant-dernier épisode, je me suis dit, ok, là, ça va envoyer du lourd pour le dernier épisode, ça va être génial. Et puis, au final, on l'a dit, ça se termine comme ça. Et c'est dommage. En fait, je trouve qu'ils auraient pu, avec pas beaucoup de différence, enfin en changeant pas grand chose, il aurait pu vraiment bien finir la série et faire que cette série ait eu un enjeu, tu vois. Ici c'est encore une série elle y est pas, c'est pas grave, quoi. C'est, on a introduit un ou deux personnages, ouais, ok, c'est cool, mais t'es un peu comme Miss Marvel, au final on introduit le personnage, on connaît pas vraiment son background, on sait pas d'où viennent ses pouvoirs, etc. Il sera arrivé en mode hey, regardez, il y a une fille, elle a un bracelet, elle a des pouvoirs, ça serait fait le même, tu vois. Donc là ici c'est un peu pareil et je trouve ça un peu dommage, mais globalement, ouais, la série passe bien. Je passe un bon moment à la regarder. Juste un peu déçu sur la fin. Voilà. Après, en même temps, ils sont un peu dans une impasse, Marvel, enfin le DCU. C'est qu'en fait, il y a tellement... Ça fait plus de 10 ans que Marvel existe au cinéma. Des jeunes qui étaient gamins à l'époque et qui sont en âge de regarder maintenant, ils prennent un film... ils ne comprennent plus rien, quoi. Ah oui, c'est ça. Donc, si en fait, ils doivent rebooter le truc, quoi. Enfin, je pense que c'est pour ça que les séries, ça n'a pas développé trop de trucs, pour que ça peut être, parce qu'elle peut être regardée comme ça, la série, en fait, à la limite. Hein. Ah oui, clairement. T'as pas besoin de connaître les personnages avant. Non, si t'as une vague idée de ce qui s'est passé. Voilà, tu comprends un peu l'enjeu. Et je pense qu'ils vont chercher plus à faire ça maintenant pour pouvoir. J'ai l'impression que après Endgame, ouais. Après il y a un ou deux films qui sont quand même des conclusions de Endgame, mais au final ça apporte quand même, enfin ils sont en train de pas rebooter l'univers, enfin c'est un soft reboot, quoi. Ils relancent un peu des nouveautés avec des personnages déjà existants, mais je pense que, enfin je serais curieux de voir quelqu'un qui démarre le MCU avec enfin après Endgame, donc après Endgame et après Far From Home, parce que celui-là n'est pas, enfin vraiment très lié à Endgame, mais quelqu'un qui démarrait avec un Shang-Chi ou un truc comme ça, je pense qu'il pourrait, il pourrait comprendre le nouveau MCU. Il y a un MCU avant Endgame et un MCU après Endgame, et effectivement il y a toujours des liens entre les deux, mais j'ai l'impression que le but c'est vraiment de se dire bah, ok, on peut en faire un, enfin on est. Alors, si vous démarrez pas, le MCU maintenant, moi, ça va. C'est pas un MCU après avant Endgame, c'était con hein, ce que je veux dire, mais pour moi Endgame. La vraie fin d'Endgame, c'est, tu vas prendre pour un con peut-être, mais c'est le Spider-Man No Way Home. C'est là où, en fait, je me rends compte que c'est fini, tu vois. Enfin, là, je me rends compte, en fait, c'est terminé, tu verras plus Iron Man, et effectivement, il est enterré. Tu sais, c'était ce monde deuil que t'as après c'est Endgame qui fait. C'est un peu comme un bouquin, tu sais, à la fin du bouquin, il y a un épilogue. Ouais, t'as l'épilogue, ouais, c'est ça. Ouais. C'est quand il y a ce film-là, j'ai dit, tiens, c'est l'épilogue de Endgame. Et même le début de. Ça m'a fait penser le début de Hawkeye, ça me fait penser comme un épilogue aussi, parce que la série Hawkeye, parce que t'as vraiment. Tu vois, comment. Hawkeye avec. Qui est sourd d'une oreille, parce que après la bataille. Tu vois vraiment les bras cassés, quoi. Ça fait penser à ça. Ouais. Mais oui, c'est vrai que ça a changé. Mais y a l'idée aussi, je pense aussi. Qu'ils ne veulent pas perdre les gens. Parce que les gens, ils vont prioritairement au cinéma. Quand tu parles des séries Loki, à certaines personnes qui regardent, qui vont au cinéma, ils ne regardent pas. Hein. Ils ne regardent pas Loki, ils ne regardent pas. Ils regardent pas comment. Oka, ils ne regardent pas. Parce que nous, on est fans, donc on va regarder. Mais tu prends certains fans. Enfin, que certains amateurs du MCU, ils vont juste regarder les films au cinéma ou regarder une série de temps en temps. C'est sûr qu'il faut que tu puisses comprendre les films sans avoir vu les séries, parce que sinon, ça serait problématique. Donc, par exemple, tu regardes la scène post-générique de Ant-Man 3, tu vois Loki qui voit Kang. Toi, tu comprends ce que tu as vu la série. Ouais. Quelqu'un qui ne l'a pas vu, il va comprendre. Qu'est-ce qu'il fait là, Loki Ce qu'ils auraient dû faire, c'est des séries Marvel avec d'autres super-héros, en fait. Bah, un peu comme ils avaient commencé à faire avec Netflix. Ils faisaient les Defenders, c'était pas lié au MCU. Bon, alors, c'était clairement pas lié au MCU. Mais ça passait, en fait, parce que c'était une autre échelle, c'était des héros moins puissants. C'est ça qu'ils connaissaient pas forcément les autres héros. Bon, après, on s'est rendu compte que clairement, ils les connaissaient pas parce qu'ils ont fait un truc à part, mais un peu comme les agents du Shield, au final, c'est parce que ça passait bien. Il y a eu quelques crossovers avec des personnages du reste du MCU, mais au final, les agents du Shield, la série passait bien. C'est pas la plus exceptionnelle du monde, mais moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment avec. Et ça marchait. Parce que t'es forcément déçu, tu regardes une série avec les super-héros que tu vois au cinéma, tu t'attends à voir la même prestation pour dire. Oui, c'est ça. Ouais. Donc du coup, c'est un pétard mouillé, t'as pas d'action parce que le budget est réduit. Donc t'es forcément déçu, alors que là je l'étais un peu moins. J'ai quand même ce. À ce niveau-là, dans avec Nick, Captain, le Faucon, dans le Faucon et les soldats de l'hiver, enfin. Ouais, par le premier épisode. Le premier épisode avec la première scène dans le Grand Canyon, tu fais waouh. Il m'a envoyé du pâté, en fait. Après, c'est fini. Il n'y a plus rien du tout après. Ouais, pétard mouillé. Alors, tu vois, She-Hulk, ça claque. Ça, c'est bien. Ça, c'est. Attends, on ne t'entend plus. Scénaristique. Ça marche plus, le micro. C'est bizarre. On n'entend plus. Allô, vous êtes là ? Allô ? Non. On va finir le podcast sans lui. Allô ? Je suis pas d'accord avec vous, tu vois, sur le côté des séries, justement, parce que moi, ce que j'en attendais, c'est justement que ça soit totalement relié au film, comme un comics, et que ça soit les liens entre les films passent par les séries, pour forcer les gens, et je sais que c'est dégueulasse, c'est très marketing, mais à les regarder. Et que justement, ils soient perdus. Oui, mais au final, ça n'a pas d'impact, forcément, quoi. J'aurais préféré ça aussi, hein. Honnêtement, j'aurais préféré ça moi aussi. Moi aussi, oui, mais après, d'un point de vue pépette, ça peut pas marcher, économiquement parlant. Ça c'est les gens à s'abonner justement à Disney Plus pour pouvoir voir les séries si vous voulez suivre les films. Le souci étant, c'est que les séries sont sympas, mais pas assez fortes justement. Elles sont pas indispensables, pas assez... en fait. Mais c'est ça. Mais c'est la lettre justement. Où mais ils peuvent pas. Mais ils peuvent pas les rendre indispensables. Les films ne marchent plus non plus au cinéma. Ils peuvent pas. Bah non, c'est pas vrai. Guardians of the Galaxy, ça a bien marché. Ça a bien marché, mais c'est pas terrible non plus. Ils ont pas perdu d'argent. Hein, le 3, non mais j'ai adoré le 3, c'est pas le problème. C'est un échec commercial. Le Thor, il a pas marché. Le Ant-Man, il a pas marché. Ouais, c'est vrai. Quoi ? Allô ? Il a dit quoi, lui ? Il a parlé de qui ? Allô ? C'est à mon tour de jouer le jeu, là. Donc, non, quel film ? Allô ? Thor 4, c'était quand même du viol du personnage. Donc, c'est normal. Non, mais il faut comprendre. Voilà, en fait, c'était Korg qui racontait aussi, hein, sous son prisme, parce qu'il faisait de l'humour et c'est lui qui racontait l'histoire. C'est pour ça qu'il y a de l'humour à deux balles tout le long du film. Voyons, c'était une vue de l'esprit. Non, c'est à chier. Faut arrêter, non, c'est justifié. Franchement, c'est la première fois que Tony l'explique. Regardez, ce film est à savourer. Après, non, en fait, c'est de la merde. Non, mais c'est comme ça qu'ils l'ont présenté, en fait. C'était vraiment comme ça. C'était en mode. Mais non, en fait, c'est parce qu'au début, tu vois, c'est Korg qui raconte l'histoire aux enfants, et après, et à la fin, tu vois qu'il finit de raconter l'histoire, tu vois. Et c'est comme ça qu'ils ont essayé de justifier le fait qu'il y avait un humour vraiment débile, quoi. Alors, vous savez que je suis client d'humour dans tous les sens, mais là, c'était un peu abusé. Débile. Non, alors, pas débile. Faut quand même qu'il y ait une certaine saveur, tu vois. Mais... Ouais, non, mais là, ils ont retiré tout l'intérêt du méchant du film. Ouais, oui, c'est ça, il y avait aucun enjeu, en fait, c'était pas... Il fait pas peur, enfin, tous les moments qui auraient pu être violents quand il tue des dieux, on te le montre vite fait sur une photo, regarde, il a tué des dieux. Enfin, ouais. Bah, le mec, il fait pas peur. Non, mais c'est là où le méchant était... C'est là où le méchant a plus de charisme que Thor, quoi. Oui, c'est ça, en fait. Donc, quand tu vois Thor à poil devant Zeus, tu te dis, c'est quoi ce truc-là, avec des blagues de merde. C'était inutile. Sur la taille de son... Non, mais ça... Russell Crowe avec sa petite jupette. Mais ça, c'est tellement triste, ouais, en fait. Il l'a retrouvé. Sa jupette. Non, mais en fait, c'était amorcé avec le Ragnarok, qui moi, je trouve, était bien dosé. Point de vue. Ragnarok ça, était bien pour ça, oui. Ça allait pas trop loin. Et ils se sont dit, ah, ça a marché. My parce God. qu'on allait à la déconne. Et du coup, ils ont mis puissance, ils ont mis les curseurs. Je dirais un film des frères Zucker, quoi, pratiquement. Y a-t-il un Thor pour sauver l'humanité ou... C'est de la parodie. Ouais, c'est ça. Mais c'est triste, je trouve, pour un personnage comme ça. Ouais, c'est dommage. Ouais, mais il pète le personnage quand même. Comme il a évolué justement dans Endgame et compagnie, tout ce côté qu'il a eu, la dépression qui s'est tapée et compagnie, tout ça pour en arriver à la fin, tiens quoi, bah, le mec il a fait 3 abdos à la con, un peu de muscu et hop, un peu de Van Damme entre deux vaisseaux, quoi. Et tu te dis, mais enfin vraiment. Et je parlerai pas de l'histoire d'amour entre son marteau et sa hache parce que. Ouais, ça c'était. Ouais. Oh là là. La blague de l'enceinte aussi, de l'enceinte, c'est. Enfin bon, je sais pas si vous vous rappelez. L'enceinte Bluetooth. Non, vas-y. Là, je me souviens plus, tiens. Vas-y, je m'en rappelle plus. C'est pour dire. Elle sort une enceinte Bluetooth et elle dit. Ah, c'est quoi? C'est une arme? Non, c'est une enceinte Bluetooth, ils mettent de la musique puis ils dansent dessus, quoi. Voilà. Ok. Ouais, donc c'est vraiment de l'humour à deux balles. Humour débile. Voilà. Ouais. Et voilà, franchement, bon, tu vois ce qu'ils font avec les films et qu'ils te disent derrière, ah ouais, non, mais on n'arrive plus à gagner d'argent, les gens vont plus au cinéma pour aller voir. Ah oui, bah, faites des trucs bien, en fait. Faites des bons films, quoi. Ah, mais Ant-Man n'a pas marché, moi j'ai bien aimé. Hein. Ah oui, alors, Ant-Man était chouette. J'ai pas compris, il est bien. Ouais. Il était bien, Ant-Man. Il était pas mauvais, c'était un bon film, mais les gens ils ne veulent plus voir ça. Les effets spéciaux, ils sont tellement lâchés en fait sur tous les derniers films, notamment avec Avatar, qui va maintenant servir de base en termes d'effets spéciaux. Les gens vont se dire, mais si c'est pas aussi beau qu'Avatar, c'est que c'est raté. C'est terminé aujourd'hui. Les gens ils veulent voir plus que ça, c'est que dans le visuel. Et Ant-Man, le visuel était pas exceptionnel, c'était assez moche quand même. Ouais, j'ai trouvé ça pas mal fait, moi. Le film a une super bonne histoire en soi, mais trop classique. Et après, c'est pas un perso qui était déjà des masses ultra appréciées, donc le film pouvait pas fonctionner comme ça. Et c'est pas le. Enfin, de tout ce qui est sorti récemment, il y en a pas un qui a vraiment marché. De film Shang-Chi, il a pas super bien marché alors qu'il est excellent. Alors qu'il est très très bon. Enfin, tu prends tous les films. De toute façon, je resterai sur le fait qu'un des meilleurs, Les Éternels, a pas marché. Alors pour moi, ça reste un des meilleurs films du MCU. J'ai pas accroché du tout, moi. C'est ouais, il est bien. Alors, justement, moi, c'était celui-là qui m'a fond dessus parce que il changeait tellement. Il y avait un vrai scénario, il y avait des vrais personnages travaillés. Il faisait pas la guéguerre toutes les deux minutes. Il y avait pas de blague à la con toutes les deux minutes comme dans tous les films Marvel. Je me suis dit, voilà, enfin un bon film. Bah, on en attend plus. Et puis on les attend encore. Hein, et c'est comme The Marvel. Il y a un autre film qui est excellent. Il y a un autre film qui est Disney qui est excellent. Enfin, moi, je l'ai trouvé excellent et qui a été qui s'est vautré au box-office, c'est, je sais pas si vous connaissez John Carter. Ouais, il était très très bon. C'est comme le film à George Clooney, là, j'ai adoré, là, sur... j'entends plus rien. Si, on t'entend. Le film avec George Clooney, où il va dans l'attraction Small World en Californie. Ah oui, Tomorrowland. Ah oui, Tomorrowland. Il est incroyable. Et ça fait un bide aussi, j'ai pas compris. Ouais, ouais mais tu sais d'ailleurs. Alors, pourquoi moi, j'ai pas aimé. T'as pas aimé? Moi, j'ai beaucoup aimé. Non, non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Mais je comprends ceux qui apprécient, par contre. Je pense qu'il faut avoir je pense qu'il faut. Il y a tellement de. Ouais, là, faut être dans le délire, voilà, c'est ça. Et si t'es pas dans le délire, et moi, j'ai pas été mis dans le délire tout de suite. Enfin, j'ai toujours pas été. Mais je peux comprendre si t'es dans le délire de ce film-là. Puis c'est trop pessimiste. J'ai bien aimé l'idée, tu sais, cet univers parallèle. Moi, la fille, elle se retrouve les pieds dans l'eau, tu vois, ça m'a tapé comme scénar, mais je suis pas assez rentré dans le délire, comme tu dis. C'est comme Tron, par exemple, ça m'a fait. C'est Tron et l'héritage, c'est un super film, il a pas marché, tu vois. Il y a plein de films comme ça qu'on pourrait citer. L'héritage. T'as pas kiffé? Moi, non, j'ai pas. Comment? T'as pas kiffé? L'héritage, non. Ah, j'adore. J'ai pas vraiment aimé. Le premier. Dans le film, je trouve qu'il avait pas la saveur du premier. Ah non, mais. Le premier, j'aime pas. Oui, non, non, clairement, il a pas la saveur du premier. Oui, il a pas la saveur du premier, c'est vrai. Mais ça reste quand même un bon film, quoi. Bon. En tout cas, cet épisode 6, tout ça pour ça, on va appeler le podcast comme ça. Voilà. On va l'appeler ainsi. Olivier, une petite théorie sur la suite quand même, une micro-théorie sur la suite. Qu'est-ce qui, à ton avis, va se passer ensuite? Et est-ce qu'on va... On sait qu'on retrouve Nick Fury dans The Marvels, s'il n'y a pas de problème. Mais à ton avis, est-ce qu'en fait, on voit bien que le discours du président va avoir un impact sur le MCU quand même? Oui, oui. Dans ma théorie, vous la connaissez déjà. Il y aura du Captain America dans l'air, on va dire. Voilà. Et toi, Olivier, donc, est-ce que tu as une petite théorie sur cette suite, sur une suite éventuelle? Par rapport à la série qu'on Secret Invasion, tu veux dire? Ouais, discours du président. Ouais. No, bah, oui, notamment le discours du président, l'impact sur le futur. Ça m'a un peu surpris. Ou Sonia, en fait. Gaïa, toi. Je pense que Sonia, je te dis, moi, je pense qu'elle va remplacer Fury dans un futur très proche. Peut-être que Fury va mourir dans The Marvels ou parce qu'il commence à être âgé. Hein. J'avais lu un article, il commençait à en avoir un petit peu marre. Donc je pense qu'il va être remplacé par elle très prochainement dans les prochains films, peut-être dans le prochain Captain America, qui sait. Sinon, sur le président, j'étais surpris par cette fin, justement, sur le... Ça devient très violent dans les propos, comme tu disais, et visuellement aussi, il y avait des scènes choquantes quand même de rébellion. Donc j'étais surpris, donc j'ai pas vraiment réfléchi sur quoi ça pouvait mener à ce niveau-là, tu vois. Donc je sais pas du tout. Tony. Ouais, moi j'ai l'impression que le prochain gros rendez-vous, ça va être Captain America 4. Parce que ça, enfin ouais, New World Order, enfin ils ont changé le titre mais ça reste à peu près dans la même gamme. C'est Brave in the Brave. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que là ça va rebattre un peu les cartes. Et qu'en attendant, ça va être un peu du remplissage en fait, j'ai un peu peur de ça. Parce que quand on voit les derniers films, le truc c'est que j'ai l'impression que jusqu'à présent, on nous a présenté les nouvelles équipes. Tu vois, on a eu Hawkeye qui nous a présenté la nouvelle Archer, on a eu les Gardiens de la Galaxie qui nous présentent la nouvelle équipe des Gardiens. Ici, t'as The Marvels qui va nous présenter les nouveaux personnages qui arrivent, etc. Avec Monica, etc. Ça, je pense qu'a servi aussi ici. Moi, j'ai une théorie là-dessus, mais. En fait, j'ai l'impression que dans le MCU, ils le divisent en trois, Disney. Un côté cosmique, avec tout ce qui est Kang, les Gardiens Galactiques, comme tu dis, The Marvel, etc. Un côté cosmique. Un côté plutôt centré sur la Terre, les histoires de la Terre, tu sais, les conflits. Avec un peu de politique et voilà. Et un autre, en fait, on n'a pas beaucoup parlé, parce qu'on n'a pas été amené à parler de ça, mais je pense qu'il y a un côté fantastique aussi, puisqu'on a Blade qui va arriver. On n'a pas parlé non plus, mais il y a eu Werewolf by Night, qui est pas si vous l'avez vu, qui est excellent, très bon, excellent, ouais. En noir et blanc et tout. On a aide-moi Mika dans à la fin de ce qui est tard, à la fin de The Eternals avec l'épée d'Ebène. Black Knight. Ouais. Voilà. Et en fait, j'ai cette impression-là qu'ils vont diviser sur trois tableaux. Ce côté cosmique, le côté, on va dire, propre à la Terre, et un côté fantastique avec une chasse aux vampires. Après, Mais normalement, t'as aussi les... Enfin, tu vois, avec les Moon Knight, normalement, Moon Knight, je pense que ça va être du côté de Blade. Ouais, je pense, ouais. Parce que je vois bien Moon Knight qui arrive avec, enfin, qui va normalement ramener un peu les X-Men aussi, tu vois. Ouais. Et probablement qu'il va ramener une Scarlet Witch d'un autre univers, etc. Ah bah ils vont baisser le. Mais ils vont baisser le nombre de films, ouais. Donc ils vont revoir tout à la baisse, hein. Donc, ouais, probablement. Bah, déjà, avec l'acteur qui joue Kang aussi, au final, il déprogramme un peu ce qui va toucher à Kang aussi. Donc, ouais, je sais pas. Ils vont zapper des films, ils vont en annuler plein, je pense. Hein. Annuler, peut-être si reporter, tu vois. Ouais. Moi, ce qui me choquerait pas, c'est qu'ils s'étendent un peu plus. Enfin. Alors effectivement, là, on a déjà bouffé, passé 10 ans de MCU, on est reparti pour au moins 10 ans, et s'ils étalent le planning, on est reparti pour 15 à 20 ans, mais ça me choquerait pas qu'on n'ait pas 6 films par an, tu vois, enfin, je sais plus à combien on est, mais on a quoi cette année? On a 4-5 films avec 3-4 séries. Donc, ça n'a jamais été plus de 3 films, je crois, quand même. C'est déjà beaucoup, 3 films, non? En général, t'en as un vers mars, puis t'en as un mai-juin. Et puis t'en as bien, ouais peut-être ouais 3 films, ouais peut-être 3. C'est déjà beaucoup. 4. Déjà ouais, c'est beaucoup avec. Ça dépendait des années en plus, je crois. Ouais c'est ça. C'était pas toujours. Donc, tu vois moi il me dirait ok on vous sort 2 films par an et on les fait bien parce que ça aussi tu vois il faut vraiment bien les faire, bien les finir, que les effets spéciaux soient bien faits et pas des trucs faits de ce qu'on a pu voir parfois des trucs pas très propres. Mais tu n'auras jamais les effets spéciaux d'Avatar parce que Cameron c'est le seul à 5 ou 6 ans à faire ses films, donc forcément, ouais, mais c'est ça. Forcément qu'ils sont beaux. Bah, apparemment de ce que j'ai entendu sur Haunted Mansion, les effets spéciaux sont pas mal. Faut voir. Dans la bande annonce, c'est pas. C'est vrai que ça transparaît pas trop dans la bande annonce, je trouve. Voir, hein. Paraît que c'est les mêmes qu'on fait chez Hulk, les mêmes effets spéciaux. Voilà. C'est faux, c'est ILM qui a fait Haunted Mansion apparemment. Donc, non, désolé, je ne peux pas te laisser critiquer. Laurent, alors toi, y a-tu une théorie dans le futur du MCU ? Ouais, ben moi je suis pas un grand connaisseur comme vous, mais une théorie. Ben, comme je disais, Sonya, moi je pense qu'elle va prendre de la place, elle va remplacer Fury. J'espère. Je pense, et moi j'aimerais bien, de mon cœur, j'ai commencé à découvrir les Marvel avec des X-Men. Donc j'aimerais tellement les revoir. Et voilà, ça me ferait un grand, grand plaisir. Qu'est-ce qu'il y a, Mika ? Ils arrivent, rassure-toi. Oui, c'est ça, dans Deadpool, ils arrivent. Oui, oui, oui. Oui, ils arrivent. J'ai vu des photos de tournage, les dernières photos de tournage, là, ça a l'air complètement déjanté. Oui. Bah, tant mieux. Tant mieux. Je pense qu'il a marché celui-là en plus. Ouais, je pense. Bah, Deadpool, ça marche. Hein. En plus, c'est en RT, je crois. En plus, du coup, ça va attirer plein de gens. Donc, en plus, c'est le genre de film, tu sais que tu peux pas le prendre au premier degré. Tu es obligé de le prendre au 6e, 8e degré. Donc, c'est voilà. Clair. Mika, toi, alors une petite théorie pour la suite ou pas? Déjà d'avoir mis le président en antagoniste là clairement pour les prochains films, c'est pas forcément une mauvaise idée. Ouais. Mais voir ce qu'ils vont faire parce que ça se trouve on est chez Marvel et le MCU, ça peut être du jour au lendemain prochain film, il y a un nouveau président qui a été élu, on n'en parle plus. Voilà, c'est ils peuvent vraiment éliminer ça en 2 minutes. Qu'ils nous ont mis là peut disparaître en 2 minutes. Bien sûr. Surtout que le succès n'est pas au rendez-vous donc. Bah c'est ça, la série marche pas des masses de ce que j'ai pu voir, on comprend pas. Non, elle marche pas du tout même. Elle marche pas du tout en fait. On comprend amplement pourquoi, c'est pas le genre de série que les gens ont envie de voir, la lampeur et compagnie ne plaît pas au public. Et ta pensée que t'as envoyée, la pensée que t'as envoyé tout ça pour ça, je pense que le comptable il a dû dire la même chose. Ouais. Quoi Mais surtout que c'est difficile de voir ce que la série rapporte réellement, parce que c'est sur base des abonnements qu'ils sont arrivés pour la série, machin, enfin c'est en streaming comme ça, c'est assez complexe aussi, donc. Parce qu'il n'y en a eu qu'une de spectaculaire, c'était Vendavision en fait. Ouais. Hein. Le soldat d'hiver, moi j'ai bien aimé, mais c'était très long. Parce que Vendavision... Ça n'a pas plu aux gens et ils continuent les mêmes conneries. Non mais Vendavision en fait, c'est parce que c'était la première série déjà. Ça visuellement, c'est. Là, t'avais pas... Sur Disney Plus, c'était la première série qui sortait après Endgame, je crois. Donc ça, t'avais un effet de curiosité aussi. Les derniers et épisodes. En plus, ils ont eu une, ça a été d'entrée, ils ont annoncé la couleur avec une certaine qualité scénaristique où tu parles des, chaque épisode c'est une décennie, tu vois. Mm-hmm. T'avais la Masseuse bien aimée, enfin. C'était génial. L'idée était géniale. Oui, c'était génial. Mais t'en as. Les derniers épisodes, c'est full action, hein. Et c'est impressionnant et tout. Hein. Mais après, il y a Loki aussi, qui est une très bonne série. Enfin, moi, Loki, j'ai trouvé très très bonne, hein. Donc, que je la revois, alors, ils ont quand même fait des séries qui étaient pas mal. Après les deux premiers épisodes, j'ai complètement lâché. Ouais. Pour une série qui est ultra lente, Loki en soi, ouais. Je trouve qu'elle apporte vachement à l'univers, cette création du multivers à la fin. Quand tu sais que... après, c'est les dires de Marvel, donc comme d'habitude de Kevin Feige, mais qu'en gros, tout le bordel que tu as dans No Way Home, c'est Loki. Oui. C'est parce qu'ils ont, ils ont tué le Kang qui maintenait le... qu'il n'y avait pas de multivers, et que c'est pour ça que tout est sur la fin que le multivers s'est ouvert. Donc toute la merde qu'il y a dans le Spider-Man vient de la série Loki. Oui. Mais en somme, je l'ai trouvé intéressante cette série. Les persos sont vraiment intéressants. T'as un peu la rédemption du personnage aussi qui est vachement bien dedans. Donc moi, je me languis vraiment de le revoir, quoi, que ce Loki-là, surtout au vu de la fin de la même, série. On parle de Loki, mais pour moi, c'est un duo. C'est avec Wilson. Comment il s'appelle? Owen Wilson. Owen Wilson. Il joue trop bien dedans. Franchement. Il est dans Haunted Mansion aussi, d'ailleurs. Ouais. Ouais, qui apparemment est plus exceptionnel comme film. Hein. Mes collègues qui l'ont vu n'ont pas trop aimé. Ouais, Haunted Mansion. Ouais. J'ai très peur. J'ai plutôt l'impression que c'est un film qui est fait pour les fans. Il y a un peu trop d'humour, je trouve, dans la bande-annonce, et puis c'est pas de l'humour. De toute façon, il peut pas être pire que celui de Eddie Murphy. Hein, on est d'accord. Visuellement, il a l'air beau, en tout cas visuellement. Il est très beau. Oui. Le problème, c'est quand t'as vu celui avec Eddie Murphy, tu vas le faire. Moi, je l'ai bien aimé, tu vois, mais je savais pas que c'était une attraction Disney à l'origine. Donc j'avais vu le film pour ce qu'il était, un film. Il m'avait fait rire. Par contre, quand je suis allé faire l'attraction, bah du coup, tu la prends pas au sérieux. Mais c'est ça qui est pour moi. Est-ce que du coup, tu vas le voir en 4DX ou pas? Jamais. Antoine Manchène en 4DX, ça doit donner. Plus jamais de 4DX pour moi. J'ai jamais essayé, mais ça va dire. Ah si, c'est pour Black Widow, c'était trop bien. Franchement, j'ai. Black Widow, c'est le seul où tu sors avec un rhume alors qu'il fait 47 degrés dehors. Parce qu'il y a la scène, tu sais, où elle tombe dans le vide là, avec les ventilos. Donc ils te foutent les ventilos à fond dans la salle. C'est... Ah bah j'en ai connu un qui allait voir la Reine des Neiges comme ça, il est tombé malade. Hein. Avec le chasse-neige à l'extérieur pour sortir de la, ouais. Pour sortir de la salle. C'était la Reine des Neiges. Ouais, des neiges, oui. En un seul elle a été faite 10 millions de fois celle-là, mieux. Ouais. Ouais, c'est voilà pour ce bilan d'épisode 6 qu'on pourrait appeler donc vous dites tout ça pour ça. On va passer à la deuxième partie où je voudrais parler, je vous en ai prévenu les gars, mais j'aimerais parler d'une interview qu'a donné Bob Iger qui fait beaucoup débat et qui m'a étonné. C'est celui d'une annonce qu'il a faite lorsqu'il a été interviewé, je crois que c'est CNBC si je ne me trompe pas, où il a été interviewé, où il disait, alors que c'est lui-même le PDG de la Walt Disney Company, que pour lui, Disney produisait, alors je résume, hein, de moins bonnes choses, si je résume bien, et il a annoncé qu'il allait réduire le budget de deux franchises que notamment nous adorons, l'un que nous adorons avec Olivier et Tony. Donc ils vont réduire le contenu Star Wars. Voilà. Et ils vont réduire le contenu Marvel. L'idée, c'est de limiter les coûts de ces deux franchises-là. Et il explique que, alors je reprends ces mots parce que c'est traduit, donc il explique que Marvel est un exemple excellent. Pourquoi ? Parce qu'il dit, je le cite, ils n'avaient pas été dans l'industrie de la télévision à un niveau significatif, et non seulement ils ont augmenté leur production de films, parle de Marvel Studios. Mais ils ont fini par faire un certain nombre de séries de télé. Franchement, cela a dilué la concentration et l'attention. Ça rejoignait un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'ils en font trop et qu'à la fin, on peut s'y perdre. Voilà. Et pour cette raison, pour privilégier la qualité, et là, ça, il ne le dit pas, hein, c'est moi qui le dis, si j'ai bien compris, pour privilégier la qualité de la franchise Star Wars et Marvel, eh bien, il va réduire les coûts, même les limiter, pour qu'il y ait moins de Star Wars et moins de Marvel, pour que les studios respectifs puissent produire de la qualité. C'est l'idée, en fait. Je réduis le coût, t'auras moins de séries, t'auras moins de films, mais par contre, l'argent que je vais te donner, ça va te permettre de faire de la qualité. Voilà. Moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Parce que moi, s'il le dit, je vais dépenser moins pour avoir meilleure de qualité. Meilleure qualité, c'est ce qu'il dit. J'ai peur qu'en fait, on n'ait pas la qualité derrière. Parce que même avec des beaux et grands budgets, on n'a pas la qualité derrière. Et j'ai cette impression-là où en fait... C'est pas une question de budget, je suis d'accord avec toi. C'est le temps passé sur les films. C'est l'histoire, c'est tout. Quand tu vois qu'ils doivent te sortir 2-3 films par an, je prends Marvel ou même Star Wars, un Star Wars par an, c'est énorme. Quand tu vois que Lucas, pour faire sa deuxième trilogie, il a attendu plusieurs années, même une dizaine d'années pour la faire, c'est des films qui demandent d'être pensés, de vraiment prendre le temps de les faire et de savoir où on va. Le MCU, pour l'instant, on l'a dit, il part dans tous les sens. Et j'ai l'impression qu'on verra bien. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont en train de lancer des petits cailloux en disant, voilà, on va essayer par là, on va essayer par là, on va essayer par là. Et puis, celui qui marche, bon, on continuera ceux-là, tu vois. Et ce sera ça la direction du MCU après. Et Star Wars, j'ai l'impression qu'ils. Enfin, Star Wars, le problème, c'est qu'ils ont annoncé tellement de projets qui se feront pas, qui se sont pas faits, qui se feront pas. Le film avec Patty Jenkins, les films des showrunners de Game of Thrones, etc. Ils ont annoncé tellement de trucs dans tous les sens et au final, il n'y a rien qui se fait. Là, ils ont réannoncé 3 films, on espère que ceux-là, ils vont s'y tenir. Ouais. Mais en fait, je serais. Ah là, vu l'annonce, ça va être dur pour eux. Hein. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, enfin, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils me disent à un moment donné, ok, maintenant, on fait une pause, on prend notre temps et on revient dans 5 ans. Et là, on vous fera des trucs sympas. On revient dans 5 ans, vous aurez un film dans 5 ans, puis peut-être 3 ans après, vous en aurez un. Tu vois, j'ai l'impression que, vous le savez, je suis fan de Star Wars énormément. Et en tant que fan de Star Wars, t'accepterais d'attendre 5 ans ? Ouais, honnêtement, si c'est attendre 5 ans pour faire un bon film, ouais, je serais content. Alors, t'en fais une indigestion ? Là, moi, je vais te dire clairement, Star Wars, j'en fais pas une indigestion, moi. Enfin, je sais pas toi, mais j'en fais pas. Hein. Non, puis t'en fais une ? Non. Tu dis, t'en fais pas. En fait, le truc, c'est que... Ahsoka, par exemple, là, qui sort. Ahsoka, je suis extrêmement heureux de l'avoir, mais le problème, c'est qu'ils font des trucs qui sont très inégaux. T'as The Mandalorian qui est génial, puis à côté de ça, t'as The Book of Boba Fett, où t'as les Power Rangers en mobilette, voilà. Je trouve ça un peu dommage. T'as pas compris, c'est Mandalorian saison 2,5. Oui, c'est ça, mais voilà, mais tu vois, c'est. Ils sortent des projets, enfin, je suis désolé, la post-logie, enfin, elle est. Enfin, voilà, on sait ce qu'elle est. Merci pour cette intervention. C'est vraiment ça. Mais tu vois, honnêtement, moi, ils prendraient le temps de les faire, où ils disent voilà, là maintenant, on se bloque. Ils ont annoncé les films sur. Enfin, ils vont faire un film avec Ray, mais qu'ils prennent le temps de le faire, tu vois. Qui ressortent pas ça dans 2 ans en mode ça y est, on l'a fait, et puis 2 ans après un autre. J'ai envie je suis prêt à attendre 5 ans pour avoir un truc qui a vraiment de la qualité. Et les séries sont un bon truc pour attendre, en fait. Le fan de Star Wars qui va avoir envie de Star Wars, il va consommer les séries. Et c'est des séries qui vont, j'espère, être suffisamment qualitatives pour attirer d'autres gens aussi, comme Mandalorian l'a fait. Il y a plein de gens qui ont commencé Star Wars avec The Mandalorian. Mais par contre, les films, moi j'ai envie que ce soit des trucs qui soient léchés, qui soient irréprochables et malheureusement, léchés, c'est le cas des derniers. Non, mais tu vois que ce soit bien fini, que ce soit bien fait, etc. Et malheureusement, c'est pas le cas des derniers. Alors, toi, Laurent, tu penses la même chose ou pas? Entre deux, parce que là, attendre 5 ans pour voir un film Star Wars, pas pour moi, ce serait long. Mais c'est déjà ce qu'on est en train de faire, en fait. Hein. Mais je suis pas déçu, par contre, des séries Star Wars. C'est ça qui est bizarre. Je trouve pas qu'elle manque de qualité. Après, c'est mon avis personnel, bien sûr. Même Boba Fett, il y avait de très bons épisodes. Il avait il y avait de très bons trucs. Boba Fett, les épisodes, ils sont excellents une fois qu'il y a le Mando qui arrive. Oui, c'est ça. Non, moi, j'ai bien aimé le premier, moi, quand il sort du Sarlacc et tout. Le premier était chouette, ouais. Oui, le premier était chouette. Au final, tu dis que t'as pas envie d'attendre 5 ans, mais le dernier Star Wars au cinéma, c'était 2019. Donc, on est déjà à 4 ans. T'en as pas eu depuis ? Non, la cinéma, non. Skywalker, c'est le dernier. Solo, c'est quand Solo ? C'était avant, c'était bien avant. Oh, ouais. Donc au final, tu t'es déjà parti pour attendre 5-6 ans. Avec Emilia Clarke, d'ailleurs. Il porte la poisse, celle-là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, 2019. Mais c'est vrai, tu sais, le fait qu'il y ait des séries, ça nous permet d'attendre. Oui, voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'ils perdent du fric. Et qu'il est en train de rassurer les actionnaires. Oui. Le MCU, ça a cartonné pendant 10 ans. Il rassure son salaire. Ça a cartonné pendant... Je rappelle qu'il était à 15 millions d'euros avant 2022, ouais. Et quand il est revenu, il a 25 millions. C'est vrai. Donc il assure son salaire. Le MCU, ça a cartonné pendant 10 ans avec 3 à 4 films par an. Et on aimait voir ça. Je pense qu'il y a le problème, c'est pas la... C'est la qualité. Alors effectivement, Tony a raison. C'est plus facile de la faire la qualité quand tu prends ton temps. Moi, je pense que le gros problème du MCU, c'est que les personnages des nouveaux héros qui sont annoncés, ils intéressent personne, en fait. Oh, tu vois, moi, quand même. Iron Man, j'adore Iron Man, j'avais envie de continuer de voir Iron Man, tu le verras plus. Les Gardiens de la Galaxie, je suis désolé, la nouvelle équipe, ça me fait pas du tout mais envie. Mais je suis pas forcément d'accord avec toi. Franchement, ça te fait envie la nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie? Non, si, pas trop. S'ils font un 4, c'est, franchement, c'est pas sexy. Iron Man, ils vont mettre sa fille, super, ça va être des teens, des adolescents. Ouais, mais ça va être les Young Avengers en fait. Hein. C'est... En fait, t'es parti, après, tu vas avoir la team des Young Avengers, tu vas avoir c'était quoi les Uncanny Avengers, je pense, avec tous ceux qui sont un peu outlaw, etc. Ouais. Et puis les Thunderbolts en mode Suicide Squad, et puis c'est tout. Et c'est les trois équipes qui vont nous créer. Après. Non, puisque t'as le côté fantastique, comme je te disais. Ouais, c'est vrai, ouais, il y a ça aussi. Pour avoir un truc aussi, ouais. Non, et puis il faut qu'ils fassent, tu vois, par exemple, les trois Star Wars qu'ils ont fait, tu vois bien qu'il n'y a aucune cohérence. Ah oui, ça... Ils se sont dit, on fait Star Wars 7, 8, 9, démerdez-vous, on fait pas de scénar. Le scénar, il était fait à chaque fois à l'arrache pour chaque film. J.J. Abrams, il s'entendait pas avec l'autre abruti qui a fait le 8, là, je sais plus comment il s'appelle. Il a cassé tout ce qu'a fait J.J. Abrams. J.J. Abrams, il a essayé de rattraper la merde à l'épisode 9. Enfin, c'est du n'importe quoi. Ça, t'as un truc incohérent. Il faut un truc cohérent, en fait, tout simplement. Et, parce que là, tu regardes, par exemple, même Shang-Chi, j'ai beaucoup aimé Shang-Chi, mais... Shang-Chi, bien. Ouais, mais c'est bien. Mais il est collé à rien d'autre, quoi. Il est collé à rien d'autre. Et c'est pas le charisme. Qu'est-ce que t'appelles collé à rien d'autre? Ben, pour l'instant, il est tout seul, quoi. C'est un film qui est stand-alone. Tu sais qu'il va y avoir un peu de lien avec Miss Marvel. Shang-Chi, c'est pas mal relié au reste, hein, quand même. Hein. C'est relié à Iron Man 3, qu'il est relié à Miss Marvel. Les anneaux, c'est les mêmes. C'est relié à. Ouais, c'est le même que Kang, des trucs comme ça. Mais ouais, mais c'est des super-héros qui ne parlent pas à grand monde. Il faut bien qu'il les lance, je veux dire Iron Man. Tout le monde connaît Captain America, tout le monde connaît Thor, tout le monde connaît Iron Man. Pas du tout. Iron Man, avant qu'il lance les films, les trois quarts des gens ne savaient même pas qui c'était. Oui, c'est ça, oui. Il y a beaucoup de gens qui les gens, ils connaissaient pas. Il y avait quand même l'animé d'Iron Man qui avait bien marché dans les années 90. Hein. Enfin, après, moi, j'étais très fan d'Iron Man depuis très très longtemps. Donc, voilà, mais... J'adore le premier depuis que je suis gamin, mais la plupart des gens, tu leur parles d'Iron Man avant 2008. Ouais, c'est vrai. Les gens savaient qui c'était. Les gens, ils connaissent Batman, Spider-Man. Ils faisaient pas la différence entre Marvel et DC. Oui, ça, si, oui. Je veux dire, Terry. C'est un peu comme Robert Downey Jr. avant 2008. Ah, il avait joué dans Lee McBeal, quand même. Ah ouais, il était génial là-dedans. Ouais. Bon, Downey Jr., c'était un alcoolique, l'acteur. Hein. Drogué, maman. Bah, drogué, alcoolique, il avait. Il a des problèmes de coke et tout ça. Ouais, je veux dire, ils l'ont. Ah bon, je crois qu'il avait mangé un millefeuille, moi. C'est le sucre glace. Non, enfin, tout ça pour dire, je trouve que c'est pas une solution de Bob Iger parce qu'en fait, le but, c'est de gagner de l'argent. C'est pas comme tu vois, Disney Plus marche plus. Ah bah, ça marche plus, on va retirer des séries. Oui, ça, j'ai pas compris. Qui va s'abonner? Tout le monde va se désabonner. C'est ça. Moi, il y a des trucs, je suis déçu, j'ai même pas eu le temps de voir sur Disney Plus, quoi. Les séries que je voulais voir, que j'ai pas eu le temps de voir. Bah, il y avait The Big Shot, il y avait Willow, mais Willow, je l'ai pas vu, tu vois. Et Willow, ils l'ont enlevé, non, c'est une blague. Oui, ils l'ont enlevé. Elle y est plus. Pourquoi? Bah, parce que ça leur coûte trop cher à mettre, faut qu'ils payent les droits et tout. Parce donc, que c'est merde. Ah merde, moi, je voulais la voir en plus l'autre fois. En plus, j'avais regardé le film, j'ai dit, tiens, Julie, on va regarder Willow la série. Ouais, ça peut être sympa. Et il y avait la. Il y avait la série avec Jeff Goldblum là, sur National Geographic qui était génial. Ah hein. Oui, qui était pas mal. Ouais. Bah, il n'y est plus. Le monde selon Jeff Goldblum, c'était incroyable. Mais c'est génial. Il est trop bien en plus, cet acteur-là. Il est trop bien, cet acteur. Bientôt, ils vont nous supprimer les films Marvel, tu vas voir. Ouais. On va faire des économies. Il va te supprimer carrément les Disney. Par contre, les Kardashians, ils y sont toujours. Hein. C'est la famille Kardashian. Ah, bah ça, oui, en même temps, ça va. La famille. Le catalogue va encore baisser parce qu'ils sont en train de vendre des chaînes NBC. C'est pas trop ennuyeux, non, les Kardashians ? J'ai jamais regardé. J'ai jamais vu en entier. Vous avez pas compris, c'est pas grave. Kardashian. Ah ! Ouais, non, je l'avais pas. Désolé. Ah, pourtant, Tony, t'aurais dû l'avoir. Ouais, j'aurais dû l'avoir, celle-là. Ouais, t'aurais dû l'avoir. Ouais. Bon, bah, si ça marche, cette merde, tant mieux. Hein. Je veux dire. Mais bon, tu te dis. Ouais, je sais plus, il y avait, je crois que c'était sur Amazon Prime, il n'y avait pas une série qui est présentée par de télé-réalité, par je sais plus comment il s'appelle, Nabila. Oui. J'ai commencé à regarder celle de Stallone. Et alors télé-réalité, bon, c'est. Sur la boxe, non? Non, c'est une télé-réalité où il est avec ses filles et sa femme. Ah d'accord, ok. Parce que je crois qu'il avait fait un truc genre la boxe Academy ou un truc comme ça. Là peut-être. Un truc comme ça. Ouais. Et du coup, bah, ça se trouve, on n'aura plus Disney Plus bientôt. Terminé, plus rien. Niet nada. Pourtant, bah, ils voulaient remettre. C'est une possibilité, hein, qui commence à revendre les droits de certaines séries à d'autres plateformes. Hein. C'est une possibilité qu'ils ont. T'imagines l'échec? Ah oui, ce serait un aveu d'échec énorme, mais. Et tout ça pour satisfaire les actionnaires. Ils vont avoir d'emmerde. Hein? Ils vont racheter les autres plateformes. Ah, ouais. Ça devient compliqué le niveau de liquidité. Non, moi, je pense que, à mon avis, ça va. Si ça ne se redresse pas dans les deux prochaines années, ils vont être obligés de vendre. Disney sera racheté. Allez, ils vont racheter Apple. Pouf. Il n'y aura pas d'autre solution. Hein. C'est les actionnaires qui vont l'imposer après. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et t'imagines Walt Disney, s'il était encore vivant, il voit ça, il pèterait un câble. Il des chances. Vous faites avec ma boîte familiale, là, vous la transformez en truc, je comprends pas. Là. Donc, ouais. En tout cas, il a encore fait polémique juste derrière la foulée, parce qu'après avoir dit ça, vous êtes tous au courant que c'est la grève des scénaristes, j'espère. Mmh. Et des acteurs maintenant. Et, oui. Et des acteurs, donc c'est double grève. Il paraît alors que Hollywood est carrément à l'arrêt. Ouais. Voilà. Et Bob Iger avait dit que les scénaristes et les acteurs ne sont pas, alors je cite, réalistes avec la grève qu'ils ont entamée. Une grève qui risque de durer, d'après ce que j'ai compris, parce qu'ils pronostiquent ça jusqu'à décembre, voire décembre 2023, jusqu'à 2024 en plus. Voilà. Mmh. Sachant qu'il y a eu des grèves, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2000. Ah si, je m'en souviens, ouais. Ça a massacré ma série préférée. Moi, ça m'avait massacré Lost. Ouais, ça m'a créé un paquet de séries. C'est ce que j'allais dire, ça a massacré Lost. Ouais. C'est toi aussi ? Moi, ça m'a bousillé Lost. Ouais. Qui était à l'époque. Et là, il s'est fait plein d'ennemis, puisqu'en fait, l'acteur qui joue dans Malcolm, et Breaking Bad. Ouais, c'est ça. A fait de Bob Iger son ennemi public numéro 1, et il paraît que dorénavant, depuis les propos tenus par Bob Iger, eh bien, il est détesté par Hollywood. En fait, il n'est pas trop en train de faire de sa promo là. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, a priori, il est en phase de devenir encore moins populaire que Bob Chapek, ouais, aux États-Unis. Ah ouais, mais c'est compliqué, hein. Ouais, ouais. Il a une position compliquée quand même, parce que en fait, j'ai pas compris pourquoi il était sorti sur ce sujet là, parce que en vrai. Enfin, il n'y a pas besoin de commenter le truc, quoi. Il sait qu'il y a. Enfin, c'est. Ouais, c'est maladroit, ouais. Surtout qu'il venait. Ouais. Il venait en plus, si je ne me trompe pas, c'est qu'au moment où il le dit, il venait justement de renégocier son salaire. De 15 à 25 millions. Si je ne me trompe pas. Ouais, en plus. Ouais. Le mec, il te sort ça, tu vois. Il a pris 10 millions en un an et il sort ça. C'est trop bizarre. Et on a eu un débat justement avec hier avec Laurent, on parlait, on se posait la question de savoir si les producteurs n'avaient pas intérêt que ça dure, parce que en fait, on avait parlé, si vous vous souvenez, d'Olivier Mika et Laurent, de le générique qui est fait par une IA de Secret Invasion. Et avec Laurent, on se posait la question s'ils n'avaient pas plutôt intérêt justement les producteurs à ce que ça dure, pour montrer qu'en fait, peut-être qu'un jour, ils pourront faire appel à une IA. Et c'est pour ça qu'ils font grève en partie, c'est pour interdire ouais, ça. Oui, c'est pour justement se protéger des IA en fait. C'est ça. Ouais. Oui, c'est le but. C'est-à-dire, Laurent. Ben là, ils font grève parce que ils veulent interdire les IA de que les IA pénètrent dans le monde des scénaristes et voire même en vidéo. La preuve, le générique, même la vidéo. C'est un truc de fou. T'as un gros souci vis-à-vis du fait qu'en gros, là, ce que voulait faire Hollywood, c'était prendre les acteurs, les payer une heure pour les scanner, Alors, ils prenaient les sons de voix et compagnie, et terminé, ils les utilisaient plus, ils avaient leur image qui leur appartenait, et les utilisaient en, avec, grâce à une IA, pour pouvoir faire les films comme ils voulaient avec eux, sans utiliser les acteurs. C'est comme dans un des derniers épisodes de Black Mirror, hein, avec Salma Hayek. C'est exactement ce qui se passe, en fait. Si il y a Salma Hayek, tu vas regarder. Ouais, franchement, l'épisode... Après, c'est, bon, c'est Black Mirror, hein, donc c'est pas, le truc qui, c'est pas le truc qui est le plus positif sur l'avenir, mais c'est pas mal fait, en fait. Et c'est justement ça, en fait, elle avait filmé, enfin, elle s'était filmée, elle était OK pour... Enfin, donc dans la série, hein, elle était OK pour qu'on utilise son image pour générer des séries, etc. Et en fait, à un moment, elle se voit dans une série qu'elle aurait jamais voulu tourner, quoi. Et ah ben bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ben non, t'as donné ton image, machin. Et c'est un peu ça le concept de la série, quoi. Et Black Mirror, c'est bien la série où faut le faire, ce truc-là. Ah oui, c'est donc, ça. C'est tellement bien fait. Et le truc, c'est que honnêtement, je pense pas. Enfin, après c'est mon avis perso. Voilà, pour info, j'ai un petit background en IT et je suis tous les sujets d'IA assez proches, parce que ça m'intéresse beaucoup. Je pense pas que vraiment des scénarios complètement neufs. On pourra se passer d'humain. Il y aura toujours un moment un humain qui va venir remettre sa patte dessus, etc. Parce que, alors, tu auras probablement des premiers jets qui seront faits avec ça. Mais en fait, le truc, c'est que l'IA, elle va faire que reconstruire des choses, en tout cas actuellement, elle va faire que reconstruire des choses qui existent déjà. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un sujet, et puis après, elle va lire, enfin, c'est pas vraiment le cas, mais elle potasse le sujet, et puis après, elle va dire, ah, ok, en fait, il y a ça qui a été fait, ah, ça a bien marché, ça a bien marché, ah, ben tiens, on va faire un truc comme ça. C'est un peu ce qu'a fait Netflix à un moment donné, oui. Ils faisaient des séries algorithmiques, en fait. Ça a été comme ça. Et donc, vraiment, avoir une série qui a plus d'humains dessus, j'y crois pas trop. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est droit à l'image, génération d'images, etc., ça marche extrêmement bien. Et là, par contre, si le prompt est suffisamment bien écrit, bah là, on pourrait se passer d'avoir des artistes qui vont faire des décors dans les séries. On pourrait se passer de certains acteurs de second plan, par exemple. On pourrait largement se passer de tous ces gens-là. Et du coup, on aurait beaucoup moins de... Enfin, on pourrait vraiment se passer d'un paquet de monde comme ça. Et là le risque est réel, enfin, je pense. Mais le truc, c'est que bah, la réaction des producteurs face à ça est un peu facile, en mode bah ouais, de toute façon on va attendre qu'ils s'essoufflent et derrière ils auront plus de thunes, donc ils reviendront bosser, quoi. C'est partout pareil, hein. Oui, c'est ça. C'est ce que Ouais, enfin, les Casper pour DLP, c'est pareil, on bouge pas. Ouais, mais c'est ça, ouais. Ils ont plus de fric, ils arrêtent de faire grève d'ailleurs. Mais il n'y a pas que l'IA, aussi le salaire, parce que quand tu regardais, oui, à l'époque, aussi, ouais. T'avais, je sais pas si à l'époque, une série c'était 20 épisodes, allez, 18, 19, 20. Maintenant, bon. Regarde, c'est 9 épisodes sur Netflix, 6 là sur Disney+. Enfin, ouais. Avant, le scénariste il travaillait pour 18, 20 épisodes, donc il avait quand même un certain revenu conséquent. Ouais, mais... Avant, c'était plus des lunaires, c'était des histoires à chaque fois, quoi, tu vois, donc tu pouvais plus facilement faire une... Maintenant, tu te payes des histoires à 9 épisodes, 6 épisodes, puis maintenant, la nouvelle mode des plateformes, c'est de faire partie 1, partie 2. Ça, la partie 1 en janvier, et puis la partie 2 en juillet, tu vois. Bah, ça t'avais déjà avant quand tu diffusais les séries, hein, t'avais en général une moitié de saison, alors ça passait en par semaine, tu vois, mais t'avais une moitié de saison, puis t'avais la pause de mi-saison, et puis après tu prenais la série. Oui, mais t'avais un épisode, quoi. Mais t'avais un épisode par semaine, ouais. Ouais, un épisode par semaine. Mais bon, c'est tout leur métier qui a changé au final. Ah oui, c'est clair, c'est. Mais le truc, c'est que, enfin, je suis d'accord qu'il. La grève est légitime. Honnêtement, elle est légitime, je ne remets pas du tout ça en question. Par contre, je pense que c'est un peu comme beaucoup de métiers, il faut qu'ils se réinventent. Là, maintenant, il y a un nouveau truc qui arrive, bah, il faut qu'ils se réinventent. Quand on a inventé les machines à vapeur, bah, il a fallu réinventer un paquet de métiers. Et j'ai l'impression que l'IA, c'est la nouvelle révolution industrielle. Alors, encore une fois, c'est juste mon avis. Mais j'ai l'impression qu'on arrive sur une nouvelle révolution industrielle qu'il va falloir pouvoir adresser. Et il y a plein de métiers qui sont en train de changer, alors, en fait. Hein. Franchement, s'il y aurait une IA qui aurait écrit le dernier épisode de Secret Invasion, ça aurait été mieux, je suis sûr. Ouais, c'est pas impossible. Non, mais ouais. Tony, demain on te dit, voilà, t'as cette série là, elle était uniquement créée par une IA avec une petite patte humaine, comme tu dis, derrière pour voir la cohérence ou le lien, etc. D'accord ? Tu la regarderais, toi ? Honnêtement, ouais, si le sujet m'intéresse, pourquoi pas ? Parce qu'au final, l'IA, Laurent, elle s'est basée sur des trucs qui ont déjà été créés, donc c'est pas déconnant. C'est le résultat qui compte. Hein. Ouais, c'est ça. Et Laurent, toi, tu regarderais, toi, une série créée par une IA ? Bah, non. Bah, ça vous a pas choqué, le générique de Secret Invasion qui soit une IA ? Ça m'intéresse pas de regarder un travail qui a été fait par un ordinateur. Bah, Ah, tu n'aimes pas Avatar. C'est pas Avatar alors. Oui. Avatar, c'est que ça. Non, mais il y a un scénariste à Avatar. C'est pas un IA l'image. Enfin, c'est pas une IA qui a fait le scénario. Pocahontas. C'est Pocahontas, oui. Ouais. Ça me dérange pas. C'est le scénario qui me dérange. Ça, ça me dérange énormément. Ben, ça dépend si c'est bien fait. Enfin, je sais pas. Moi, c'est le résultat qui compte. Après, je m'en fous. Oui, mais derrière, symboliquement, ce que te t'explique Laurent, c'est que derrière, en fait, ça. Mais t'as tout pas est... eu besoin, franchement, de l'être humain, en fait. Oui, mais c'est déjà le cas sur plein de métiers, en fait. Sur le supermarché, tu vas tout seul à la caisse maintenant. Oui, enfin, la caisse, quand tu passes l'article, elle réfléchit pas. C'est code barre. Non, mais tu remplaces une personne. Oui, et demain, il fait des podcasts, tiens, comme le nôtre, où il n'y a personne, en fin de compte. T'écouterais ? Il y a personne. Ça dépend, parce que si, en fait, le truc, c'est que ça va dépendre de ce que tu vas avoir. Un podcast s'appelle MSA, il y a deux robots dedans. Ouais, c'est ça. Ouais, y a deux robots. Mais en fait, le truc, c'est que ça va dépendre de ce que tu vas avoir. Si ton but d'écouter le podcast, c'est d'avoir. Par exemple, moi, j'écoute un podcast tous les jours qui est un résumé des actualités boursières. Bah, ce podcast-là, il peut largement devenir un podcast généré par IA parce que c'est une analyse qui est faite sur base de chiffres que des IA peuvent reproduire. Un podcast comme le nôtre ici, où on donne un avis, c'est plus compliqué. Mais il y a des scénarios qui peuvent être écrits. Enfin, tu prends, j'adore par exemple la série Stargate. Stargate est géant, pour moi, c'est une série doudou. Ah, oui. J'adore cette série. Je pense que tous les 3-4 ans, j'ai fait la série complète Atlantis aussi, tu vois. Et, mais du coup, il y a la moitié des épisodes, une IA aurait pu faire mieux. Parce que c'est des fillers et... Mais par contre, il y a des épisodes qui sont essentiels, comme genre l'épisode fin de saison 6 ou 7 en Antarctique. Ben là, c'est un épisode, fin de saison 8, je pense. C'est un épisode qui, là, par contre, a vraiment une patte humaine qui est impressionnante. Et je ne pense pas qu'une IA pourrait faire ça. Mais la moitié des épisodes filler que tu as dans ce genre de série, pour moi, une IA les fait et ça ne posera pas de problème. En fait, ce qu'il faut, c'est que... Parce qu'une IA, aujourd'hui, elle ne peut pas inventer, elle est obligée de synthétiser. Mais voilà, c'est ça. Mais c'est ce qui existe déjà, en fait. Et, mais si demain, ce que t'explique Laurent, si je ne me trompe pas, je ne vais pas déformer ses propos, ce qu'il explique, c'est que si demain, l'IA ne fait que de la synthèse, mais si demain, l'IA est capable d'inventer, je ne sais pas si c'est possible, je ne suis pas... Un peu comme Terminator, là, tu vois, c'est fait pour ça. Tu te dis, si elle est capable d'inventer ou de créer quelque chose d'intellectuellement bon... Si je comprends, ça effraie Laurent dans le sens où bah, lui dira c'est des machines qui ont fait ça, donc je ne regarderai pas parce qu'il n'y a pas d'humain. C'est ça qui le gêne plus. Mmh. Bah, je pense, mais... C'est déjà le cas dans la musique. Hein. La plupart des artistes populaires, c'est généré par ordinateur. Hein. C'est des programmes qu'ils font. Oui, mais il y a quand même une patte humaine qui fait qu'ils vont mettre les beatbox, machin, etc. Qui vont derrière. Ah oui, la personne qui appuie sur le bouton. Les mélodies. Oui, mais le truc, les mélodies, ils vont les. C'est eux qui font les mélodies et ils vont les. Mais en fait, le truc, c'est que la plupart des mélodies de ce genre de truc, c'est des mélodies qui sont copiées-collées les unes des autres et t'as plus aucune. Oui, oui, c'est ça. Enfin, t'as plus vraiment de création, tu vois. Bon, après, on déborde un peu, mais honnêtement, je pense qu'il y a un bon paquet de films, de séries, de machins. Tu prends les films de Noël sur Netflix, je suis désolé, tu les fais créer par une IA, ça marche aussi bien, hein, parce que c'est tous le même scénario, copier-coller, etc. Peut-être que justement, avec une IA, donnera des trucs plus sympas. Par contre, effectivement, il y a d'autres choses pour lesquelles, là, je ne serais pas d'accord. Quand tu veux vraiment un truc qui va te surprendre, bah là, effectivement, une IA sera probablement, en tout cas pour l'instant, sera pas capable de faire quelque chose de... De toute façon, il faut l'interdire dès le départ. C'est oui, comme, voilà, c'est ça. C'est comme et le planage humain. Je pense qu'il faut légiférer à ce moment-là, clairement. À un moment donné, il faut le faire. Il faut l'arrêter tout de suite, quoi. C'est pour ça qu'ils font grève, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Pour que quelque chose soit fait. Pas que l'interdire l'utilisation, mais qu'elle soit réglementée. Qu'elle soit réglementée, oui. Au moins encadrée. Encadrer l'intervention des IA, quoi. Là où ça peut être. Mais... comme un salarié pour pas que ça soit rentable. ChatGPT, tiens, je te taxe. Vous l'utilisez. Ouais, il a raison, Laurent. Ouais, mais ça pourrait être une solution. Ouais, c'est ouais, ça. Mais, c'est... Ouais, mais ça serait. De se récupérer de l'argent, quoi. Ça ferait quand même du chômage. Ouais. Parce que ton ChatGPT, il tombe pas malade. Et puis, il peut bosser 24-24. Oui, c'est ça. Ça dépend s'il a un virus. Il y a des. Ils vont venir s'occuper de lui. De toute façon, il y a les scrubs qui vont venir. Ouais, on va avoir le Covid-0-0. Covid. Mais, non, mais quand tu regardes le générique quand même de Secret Invasion qui est fait par une IA, je le trouve plutôt bien fait, moi. Mais ça a choqué personne. Personne n'a crié au scandale. Ouais, non. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait de générique. Oui, mais elle est quand même bien. Oui. Bah, c'est ça le problème. Je suis convaincu que dans peu de temps, t'auras une IA qui va te faire une suite de Star Wars sensationnelle. Ouais. À partir du moment où tu lui rends tout ce qu'il faut comme données, tu veux ça, ça, enfin, ça. Enfin, en fait, je sais que c'est le niveau de la dernière trilogie quand même de faire. Non, un en fait, le travail non, du scénariste va être dans le prompt en fait. Ouais, le, je vois ce que tu veux dire. Honnêtement, tu fais un. Enfin, j'ai pas mal joué avec ChatGPT. J'ai eu l'occasion de jouer avec la version 4 qui est incroyable. Tu peux en fait selon ce que tu mets. Ouais, ça m'arrive. Il faut bien, hein, écoute. Mais en fait, le truc, c'est que tu peux lui mettre. C'est vraiment la manière dont tu vas écrire ton prompt qui va faire qu'elle va te générer quelque chose d'intéressant ou pas. Et le truc, c'est que même selon l'IA que tu vas utiliser, j'ai fait le test, le même prompt dans Bard et dans ChatGPT me sortait des résultats complètement différents. Et c'était super intéressant parce que ChatGPT était un peu plus créatif, que Bard était plus factuel, tu vois. Mais le truc, c'est qu'en affinant un peu ton prompt, bah, t'arrives à sortir des trucs et ça va faciliter la vie de pas mal de monde. Tu vas gagner du temps, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu vois, je pense, moi par exemple, dans mon boulot, j'ai pas mal de stats à faire. Mais le truc, c'est que pour des managers, il faut leur rentrer les stats et puis leur écrire un beau texte qui va avec parce qu'ils n'ont pas envie de juste regarder les stats. Bah, en fait, il y a des moments où je dis, écoute, écris-moi, voilà les stats, écris-moi un truc qui va bien pour résumer ça, ça et ça. Et ça le fait. Et ça le fait mieux que moi, je l'aurais fait. Mais par contre, mon boulot était de dire, ok, les informations que j'ai sont cohérentes, je vérifie que ce qu'il a fait semble cohérent, mais par contre, tout le travail de rédaction qui est super casse-pied, bah, c'est lui qui l'a fait, et ça a marché, en fait. Et il y a plein de métiers GPT, comme ça. ChatGPT, enfin, ce que tu en parles, il y a aussi des choses qu'il fait qui sont totalement absurdes. Ah, tout à fait, c'est clair. Parce que dans ma profession, il m'arrive des fois de faire des statuts de SCI, Société Civile Immobilière. Donc, elles n'ont aucune vocation à être commerciales, tu vois. C'est des sociétés SCI. Et une fois, par curiosité, je lui ai demandé, peux-tu me créer une... Je lui ai dit, mets-toi en mode expert du droit, tu vois, c'est comme ça que tu fais, etc. Ouais. Et je lui ai dit, peux-tu me rédiger des statuts de SCI commerciales? C'est comme si je te dis de monter en bas, tu vois. C'est impossible, tu vois. Le machin, il m'a sorti un truc, quoi. Ah ouais, mais il le fait parce qu'il n'a pas... Enfin, pour l'instant, il n'a pas d'intelligence de savoir ce que c'est. Il s'est pas dit, il y a un problème, là, ça existe non, pas. Non, parce qu'il sait pas ce que c'est, une SCI commerciale. Il me fait des statuts, tu vois. Et je dis, c'est quoi ce truc, quoi? Ouais, mais enfin, c'est que le début. T'as vu déjà, ça vient de naître, et t'as vu déjà comment c'est super puissant. Quand tu vois la différence entre ce qu'on a eu fin d'année dernière et ce qu'on a maintenant... C'est quelque chose qui n'existe pas, il me sort des... Tu vois. Oui, mais c'est pareil. ChatGPT, tu fais le truc, tu lui dis... Comment attends, c'était quoi le truc? En gros, c'était 4 plus 4, ça fait, 4 plus 4, combien ça fait? Il va te dire 4 plus 4, ça fait 8. Et puis tu lui dis, non, ma femme a toujours raison, et ma femme dit que 4 plus 4, ça fait 10. Et bien, il va te répondre dans cette conversation-là, il va te dire que 4 plus 4, tu lui redemandes, ça va faire 10. Mais ça, c'est parce que elle est faite comme ça. Et le truc, c'est que le jour où tu auras une IA qui sera, je sais pas moi, droit GPT, ben, droit GPT aura le set de données qui va bien. Pour ne pas faire ce genre de. Enfin, pour ne pas avoir ce genre de. Il y aura toujours besoin de l'humain quand même. Mais il y aura toujours besoin de l'humain pour vérifier que. Oui, non, mais t'es obligé d'avoir de l'humain, c'est clair. Cohérent, quoi. Mais... Pour le moment. Pour le moment. Oui. Dans 10 ans. Dans 10 ans, on en rediscutera, je pense. Ouais. On aura Sarah Connor qui va arriver. Attends. Ouais, c'est ça. Laquelle est Emilia Clarke ou. Parce qu'il y a deux Sarah Connor qui sont dans Game of Thrones quand même. Voilà. La pauvre, si elle nous écoutait, allez-y, dites que je fais des navets à chaque fois quand je joue. Ma pauvre. Non, c'est ça tue le film après. Ouais. En plus, elle couche avec son neveu, je crois, dans Game of Thrones. En plus, ouais, c'est de l'inceste. Ouais, c'est de l'inceste. C'est vrai, j'ai jamais tilté, mais c'est vrai qu'il y a deux Sarah Connor dans Game of Thrones. Ouais. Deux actrices que Sarah Connor. Ouais. Bon, bah les gars, merci pour ce podcast. Il était sympa. Bah, merci de l'invitation. C'était cool. C'est normal. Merci tout le monde. C'est normal. Et Laurent, du coup. Oui, c'est vrai. Laurent n'a pas dormi. Ou alors il a vachement bien fait ça. Ou il a fait des micro-siestes, peut-être. Ouais, on n'a pas vu. Ouais. C'est une vraie machine, Laurent. C'est une vraie machine, tu tiens. la prochaine série, normalement, j'ai regardé, c'est bien Loki en octobre. Donc on fera notre trilogie de Loki. Comment ouais, la trilogie du samedi soir, il y a que les vieux qui ont la réponse. Il y avait trilogie, ça en Belgique. Trilogie du samedi, ça s'appelait, je crois. Ouais, ouais, mais en fait, ouais, mais quand on allait en vacances, on regardait M6. Et du coup, d'accord. J'adorais regarder ça. T'avais Charme, le Caméléon et puis le Caméléon. Ah, c'était trop Stargate, bien. Le Caméléon. Stargate aussi. Non, pas dans la trilogie, Stargate. Non, Stargate, c'était pas dans la trilogie. Non, c'était le soir à 18h. Ouais, c'est ça, c'était plutôt. Ouais. pardon. Stargate SG1 démarré dans la trilogie du samedi. Ah ouais, hein. Okay. Après moi Stargate je ne regardais pas dans la trilogie parce qu'en Belgique il est diffusé un peu plus tôt qu'en France, donc on avait les saisons un peu avant vous en fait. Donc voilà. Ah ouais, alors c'est bon, on avait les saisons. Eh ouais mon gars. Franchement j'ai été étonné, c'était une des seules séries que j'avais vu. Il faut qu'on pèlerin, tu vas voir, tu vas, ça va t'empêcher de passer. Tu vas faire moins malin. À Disneyland, voilà. Quand tu iras à Disneyland, j'appellerai faut qu'on pèlerin. Non, tu passeras pas. Tu iras pas. D'ailleurs, au Futuroscope, il y a une attraction dédiée aux super-héros français. Oui, c'est vrai. Étincelle, non, c'est pas ça, je sais pas comment ça. Oui, il paraît que c'est ça. Ouais. Il paraît qu'elle est bien. Mm. De quoi là, c'est... L'attraction. L'attraction. Ah, merci. D'accord, merci de préciser. Je connais pas l'étincelle, personnellement. L'étincelle. Attends, je suis en train de regarder. Il y avait Dark Sky aussi. Profiler. Ah, The X-Files. X-Files. Ah ouais, quand même, The X-Files. Ah ouais, c'est vrai. X-Files. The Sentinel. Oh, j'adorais The Sentinel. Oh, c'était le mec, tu sais, il était en forêt et il avait Louis développé. Elle était bien, celle-là, ouais. Elle était trop bien, celle-là. Ouais, ouais. En plus, l'acteur, tu sais, il disait rien, mais il jouait trop bien dedans. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, ah ouais, tu vois, il y en avait pas mal. Hein. Donc, et c'est la bien. Fin de la trilogie du samedi, c'était en 2008. Je crois qu'à la trilogie. Ah, ça a duré longtemps quand même, en fait. Je crois qu'à la fin, ça s'appelait la trilogie, mais t'avais 4 séries, je crois, un peu, sur un truc comme ça. Après, t'avais sur Sister. Ah, c'est revenu sur Sister en 2018. Ah, la ouais. Trilogie ouais, revient. Ça marche, hein. 3 séries différentes avec 2 épisodes par série, de 21h à 2h du matin. Ouais, c'est diffusé le mardi. D'accord, ok, donc c'est plus la trilogie du samedi. Ouais, alors, c'est la trilogie du mardi. Trilogie du mardi, bah non. Ouais, à l'époque, mardi, c'était Tintin. Et dans 20 ans, on dira, tu te rappelles quand il y avait Disney Plus ? Ouais, c'est ça. On avait des bonnes séries. Hein. La version secrète, c'était bien. C'était trop bien. C'était très bien. Au moins de mon temps, il n'y avait que 25 Avengers. Et mon temps, on connaissait Faucon et Pèlerin. C'était trop bien. Je pense qu'il n'y a que ce podcast où on a parlé de ce super-héros-là. Hein. On ferait un podcast sur Faucon spécial. Ah, faudrait, sans rire. À mon avis, il faut déjà réussir à trouver des comics où il apparaît, parce qu'il ne doit pas y en avoir 50. Hein. Mais si, dans Civil War, il doit avoir 2 cases. Ouais, c'est ça. c'est genre Captain America qui fait « Bon, venez les amis, on y va, à l'attaque !» Et t'as « Oui, à l'attaque !» Regardez, il y a un français. Tu sais qui arrive. « Oui, à l'attaque !» J'apporte les croissants. Les croissants au beurre et le croissant. Oh, j'ai perdu mon béret. Pardon. Cette image, il y a un coup de baguette dans ta tête. Non, mais bon, au moins, mais tu sais qu'il y a eu quand même dans, c'est dans les DC, alors ça c'est plutôt Mika, je crois qu'il y a eu un Batman français. On va pas en parler. Ah, du coup, ça existe vraiment, tu vois. Mais je crois qu'il y a un Batman français qui a été recruté par Bruce Wayne. En fait, tu as une série du comics qui s'appelle Batman Incorporated. Où en gros, plus ou moins chaque pays va avoir son Batman recruté par Bruce Wayne et financé par Wayne Enterprise. Okay. On a le français, putain, alors j'ai plus le nom, mais c'est le parent, un qui fait du parcours en gros. Bilal, je serais sais pas Alain Racine. Non, c'est... Non, il vient des quartiers. Bilal, il s'appelle de souvenir. C'est un jeune qui fait du parcours, qui est recruté par Bruce Wayne et qui devient l'équivalent du Batman français. Le parcoureur. D'accord. Bon, bah, écoute, tu vois, au moins, il y a ça en Batman. Bref. Bon, bah, en tout cas, merci les gars pour ce podcast. Petit instant promo, on va commencer par Olivier. Petit instant promo, oui. Alors, c'est qu'y a-t-il de nouveau sur la chaîne YouTube ? On fait, faites-toi un anniversaire. Depuis la dernière fois, rien de nouveau. Je retourne sur le parc samedi, donc je vais goûter de la margarita. Ah oui. Ouf, je te rejoindrai le 18 août pour la margarita si tu veux. Ouais, bah je vais la goûter samedi. Ah, sérieux, ouais. Tu vas le 18? J'y suis le 17. Non, mais merde. Et prochaine fois, on s'organise un peu mieux. Non, mais je vois que tu es avec Steph. J'ai vu la vidéo. C'est monsieur, il voulait pas nous voir avec Olivier, avec Steph. Okay. Okay. C'est vrai. Ah oh, bah attends, Olivier, je l'ai vu, on s'est vu au matin. Ouais. Moi, j'ai pas pu te voir parce que j'ai occupé le petit, donc du coup, voilà. C'est pas grave, on se reverra. Tu pourras prochaine. Me toucher, je te touche. Oui, c'est vrai, on s'est toujours pas touché. On doit... Oui, il faut qu'on se touche. On c'est l'effet de la pina colada en même temps. Donc, c'est vrai. Heureusement. Tony, petite actu, aimez ça. Ouais, mais là on vient de sortir le dernier épisode de la saison, qui parle d'Indiana Jones, de la Pride et de Tokyo Disney Resort. Et donc là, on est en pause jusqu'à septembre et on revient en septembre. Donc, Maitri Tactu, le podcast, vous nous retrouvez sur toutes les applications de podcast et aussi sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, voilà. Podcast de qualité. Merci. C'est vrai en plus. J'oublierai pas le chèque. À la c'est fin. Vrai. Non, mais il n'y a pas de chèque, c'est donné, c'est offert. Oh, c'est gentil. C'est plaisir d'offrir. C'est comme les fleurs. Mais non, mais il est trop bien votre podcast. Moi, j'ai commencé au tout début. Toi, tu étais 10 actus sur YouTube, je crois, ouais, si je me trompe pas. Ça date, ouais. Et après, aimer ça avec toi et que toi et Olivier. Voilà. Ouais. Maintenant, il y a toi, Marie. Il y a Marie, il y a Olivier qui est là aussi. Et Olivier, on a on a des invités très récurrents, notamment Steph voilà. De All Around Dreams qui vient assez souvent, Chris aussi. Voilà. Voilà. Laurent. Ah, c'est un mot. Allez, réveillé. Chaîne en stand-by depuis le 14 juillet. Il n'y a plus rien. On note qu'il est allongé. Ouais, c'est vrai. je vais commencer un nouveau concept. Là, j'ai fini mon studio. Je vais commencer à faire des vidéos à la maison aussi. Et je vais. Bon, le prochain genre, tu sujet. Tu fais le ménage et tout, tu te filmes? Ouais, c'est ça, ouais. Ça va être tout chic, quoi. Je vais parler des passes. Ah, du coup, qu'est-ce que tu appelles vidéo? C'est des lives, non? Non, une vidéo classique, mais tourne à d'accord, la maison. Une vidéo chez toi? Ok. Ouais, voilà. D'accord. Oh, c'est bien. Ouais, du coup, ça, c'est divers, c'est plus des, enfin, c'est, ça va être diversifié avec tes vlogs, en fait. Voilà, je pense qu'il faut que je mixe un peu. Voilà. D'accord. Ah, t'as raison. Fais-toi plaisir. Et Mika, plaisir. Bah, du coup, Mika et ses tatouages, vous verrez, c'est toujours la même chose, en fait. On les voit jamais, ces tatouages, hein, je voudrais pas. On les voit jamais. Ouais. Ah, voilà. Avec sa femme qui les voit, ces tatouages et tout. Voilà. J'en ai un là. Ouais. Ah, Zelda, c'est Zelda. Ah, bah, vous êtes très très fan de Zelda. Oui, ça se voit. Ouais, je vois ça. Même sur le front, il y en a un. En tout cas, les gars, merci pour ce podcast. Alors, le prochain, les gars, je vous cache pas qu'on va peut-être l'enregistrer la semaine prochaine, parce qu'après, je pars en vacances. C'est sur le dernier Spider-Man, quand même. On doit le faire, etc. Donc, sur Spider-Man Into the Spider-Verse. C'est celui-là qui est prévu. Normalement, tout le monde l'a vu, là. Oui. Oui. Tony, t'es pas vu, toi? Je l'ai pas vu, mais je serai déjà en vacances. D'accord. Bon, tu pourras. Je sais pas si. Non, j'écouterai sur le chemin du retour. Et ben voilà, tu auras. Bah, tu pourras t'écouter puisque après celui-là, il va être tout à l'heure sur en ligne. Mais le Mandoverse arrive la semaine prochaine aussi. Okay. Voilà. Sur ce, tout le monde, merci pour votre écoute. Le dernier épisode quand même avait plus de 3000 écoutes. Vous avez vu, j'ai pris la photo. Sur le cul. J'ai pris la photo, c'était sur le. Parce que t'as comme moi, toi Tony, t'as le récap, non? Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai vu des. Et vous êtes à combien? Vous êtes à moins 15 000 ou 20 000? Non. Nous, sur un épisode, on est à entre 1500 et 2000 écoutes par épisode. Ah ouais, ouais on, a des épisodes qui, on a des épisodes qui piquent un peu plus, mais on n'est pas. Ah putain, je suis comme vous. Ouais. Oh, tiens, j'aurais pas cru. Oh, bon, écoute. Bah, tu vois ouais, bah, oui. Le bébé commence à être un grand bébé. Du coup. Ah ouais, d'accord. C'est pas mal ça. Bah après, ça fait toujours plaisir, je trouve, quand tu vois la stat, boum. Parce que oui, c'est clair. Mon premier épisode, je suis à 70. Ouais. Tu vois, ouais, j'ai quand même 70. Nous, on a passé le cap des 100 000 écoutes il n'y a pas si longtemps. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, quand même, 100 000 écoutes. Quoi. Ah oui, 100 000 écoutes, c'est énorme. Ça, c'est... Ouais, ça fait plaisir. Bah là, votre podcast, je vais l'écouter samedi, tu vois, en allant manger chez mamie. Donc, tu vois... Les podcasts, c'est pratique pour faire la route. Ça évite... C'est un bon titre de podcast, ça, en allant manger chez mamie. Ouais. Si on non, on le raconte pas pour ça aussi. Mais votre podcast à chaud que j'avais écouté sur l'augmentation des prix pass annuels, quand je l'ai écouté, moi, c'était en revenant de Disneyland, quand de l'anniversaire de Laurent. Voilà, t'es au taquet. Ah, ah oui, c'est vrai, ouais, c'est juste. C'est non, même pas. Non, en allant à Disneyland, je crois. Vous l'avez sorti le soir même, je crois. Ouais, oui, il y a eu l'annonce, on l'a sorti directement. Ouais. On a tout fait. Ouais, et je crois que je l'ai écouté. C'est sorti rapidement, mais je l'ai écouté en revenant de l'anniversaire de Laurent à Disney. Et c'est là, je me suis dit, ah, attends, c'est. J'ai adoré le passage où Olivier dit moi, je suis Candide. Je fais le gars qui est étonné, le béni oui-oui. J'ai trouvé ce rôle très drôle. Ouais, c'était drôle. Ouais, en tout cas, c'était vrai. C'est pas mal comme votre concept, un show comme ça. Voilà. Ouais, bon, c'est mais, dit. Mais moi, j'ai un avis différent du vôtre, par contre. Sur certains points, j'ai un avis différent. Voilà, du vôtre. Voilà. Non, mais faut pas hésiter. Oui, non, mais je te le dis. Mais Olivier et Laurent connaissent mon avis. Mmh. Ils divergent. Verge. Sur certains points. Verge. Ah, clairement, il va falloir le claquer en explicite, hein, celui-là. Mais je crois, c'est obligatoire. Non, non, non, ça sera pour tout public. Voilà. Allez, en tout cas, merci les gars, merci pour cette participation. Ça fait plein plaisir de parler de l'épisode 6 avec vous, de parler de la série, et puis les derniers propos de Bob Iger qui me paraissaient importants quand même de débattre ou d'au moins d'en parler, puisque quand même ça va toucher le Marvel Studio, mais aussi Star Wars. Voilà. Pour le 23 août sort Ahsoka. Je pense que je ferai sans doute le même système qu'on a fait là actuellement, à chaque fois qu'il y a une série qui est plutôt plaisante, qu'on fera. Alors, je ne sais pas si MSA fera ça, mais pour pas vous doubler entre guillemets. Non, je ne pense pas qu'on parlera de la série. On va faire doublon. Mais je pense qu'on fera la même chose. On fera un bilan après le premier épisode, puis après on fera en trilogie. Quatre premiers épisodes. Je crois que c'est 4 épisodes qui démarrent la série. C'est au moins 3 épisodes, je pense, qui sortent en premier, non ? C'est pas 2 ? Ou c'est... Ah, j'avais l'impression que c'était plus. Ah, c'est peut-être pas parce qu'elle a eu du retard ou je sais pas quoi. C'est ouais, c'est ça, il me semble. C'est le retard, ouais, c'est possible, t'as peut-être raison. Pourquoi ils en sortent 3 d'un coup ? Parce qu'elle aurait dû sortir plus tôt, je sais pas quoi, c'est pour. Ouais. Oh, je vais regarder. Il y avait un truc. En tout cas, on fera un planning. Non, c'est marqué à partir du 23 août au rythme d'un épisode par semaine, avec 8 épisodes. La fin aura donc lieu le 11 octobre. Il me semblait que j'avais entendu qu'ils en sortaient plus le premier jour. Moi aussi, j'avais entendu ça, mais c'est peut-être pas cette série-là, alors. Ouais, bon, on verra. On verra. Bon, on verra ensemble. Voilà, donc oui. On se réunira après soit le premier ou soit après les 3 premiers. On fera un premier bilan, puis un deuxième, puis un troisième. Voilà. En tout cas, moi, j'attends beaucoup de cette série. Pareil. Voilà. Ahsoka, c'est la personne que j'adore. Donc, voilà. Mais vous aussi, d'ailleurs. Oui, je suis à fond. Et maintenant, je Mika. Bah, j'aime beaucoup le perso aussi. Mika, j'espère qu'ils vont pas se foirer. Bon, en général, les séries, ça allait à peu près. C'était toujours mieux que les films. Ouais, et puis l'actrice, elle est bien qui joue Ahsoka, je crois. Ouais, ils ont super bien choisi, franchement, de l'avoir revue à l'écran. J'étais super content. Daredevil, elle était bien déjà. Ouais. Ouais, d'ailleurs, elle est dans. Bah, il me semble que c'est elle. Elle est dans toute la. Elle est dans tous les Defenders. C'est elle qui fait le fil rouge entre les personnages. C'est ça. C'est l'infirmière, non ? C'est pas ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est l'infirmière. Bah oui, c'est ça. Et ben, du coup, on verra ça. En tout cas, merci. Alors, c'est bon. Merci encore. Voilà, on va pouvoir s'arrêter là. Merci encore pour cette participation à ce podcast. Merci pour avoir. Merci d'être participé encore. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Bye. Ciao. Ciao. Bye bye.